Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Vous allumez Cliché, je mettrai à l'époque c'est un ordre improvisateur. Et Alpha Lulte nous émerveillera dans sa chronique jeux de société et alcool. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 1er mars 2017, à 57 jours de la fin de l'année scolaire. On te rend direct des studios de CFOA Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Tania, salut! Bon matin! Quelle journée déprimante! Oh mon Dieu, oui, c'est gris. C'est pas froid par contre, il faut le dire, mais il y a tellement de pluie que c'est très désagréable. Ouais, pas besoin de vous peigner ce matin. Honnêtement, passez pas de temps à faire ça. Parce qu'automatiquement, vous allez sortir à l'extérieur puis vous allez être dépeigné. Les gens apparemment s'achètent des parapluies pour ce type-là. Oui, des capuches. Des capuches. Aujourd'hui, l'émission, Tania, on n'a pas malheureusement Sébastien Vigartin, qui est là habituellement le mercredi en début d'émission. Too bad for him. Il n'était pas là la semaine passée non plus parce qu'il n'y avait pas l'émission. Donc, on va le revoir la semaine prochaine, j'espère bien. On va voir par contre Xavier McLeish à 8h30 pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du match qui a eu lieu lundi. Il y a un match spécial qui s'en vient lundi prochain contre le Climax du Collège La Flèche. Ouh! Mm-hmm. Ensuite, à 9h, Alfalfa le lutin va nous parler de jeux de société et d'alcool. On va faire un petit mix and match scratch and sniff à 9h. Ensuite de ça, en fin d'émission, après Alfalfa, on va recevoir Andréane Cartier, une maintenant habituée de l'émission, comme c'est sa deuxième présence. Elle va nous parler d'un truc en art visuel, ainsi que de l'événement de Roller Derby. Ouh! Initiation nice. De Roller Derby. On aime ça. Intriguant. Ta collègue s'en vient aussi, Tania Esgolante. Tania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vous ai déjà parlé d'intelligence émotionnelle. Hier, je vous ai parlé aussi de web marketing. On a déjà parlé de tout ce qui est un petit peu de technologie, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Oh, wow, ça, j'aime ça. On va aussi faire les instructions d'assemblage dans quelques instants, mais avant ça, une pièce du palmarès francophone. C'est une nouvelle entrée. Il y en a beaucoup cette semaine, des nouvelles entrées. On les a entendues au palmarès C'est fou hier. Et écoutons maintenant, tiens. Prenons un premier contact avec la pièce de ce même nom. Premier contact par Le Couleur à Assemblage Requis. Je t'ai solitaire. Le couleur. La pièce Premier Contact. On aime le couleur. C'est calme, celle-là, par contre. Elle est calme. Mm-hmm. Ça commence très bien, aussi. OK, oui. Ce qui aide aussi dans la vie, c'est de savoir ce qu'on fait, savoir où on s'en va, avoir des conseils de vie. C'est ça, ça aide tout le temps. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas! Ah, ça devrait être un petit peu moins compliqué que ça, quand même. Mm-hmm. Les instructions d'assemblage vont être la collègue dans laquelle on se donne des conseils de vie. Commençons par le fait que s'embrasser, c'est la meilleure façon de prévenir la mâchoire tendue et les maux de tête. Oh, d'accord. Oui, les mâchoires tendues, est-ce que t'as ça des fois, la mâchoire tendue? C'est extrêmement rare que je vais avoir ça. J'ai la mâchoire qui se déboîte un petit peu. Il y a des fois où je me réveille le matin et je peux plus rouvrir la bouche aussi fort. Tout dépendant du nombre d'heures aussi passées en onde à discuter. Absolument. La mâchoire peut déboîter. C'est bien vrai. Donc bref, moi quand je suis stressé, je serre des dents. Je grince pas, je serre des dents. Quand je me concentre aussi, c'est la même chose. Donc ça peut mener à des maux de mâchoire et des maux de tête. Donc il y a une façon très facile de relaxer ça. C'est selon Ayurvedic. C'est une personne qui est experte en visage. OK. Candice Furness, qui a alors cette technique-là, donc de s'embrasser. C'est selon le blog Into the Gloss, qui nous dit que la moitié du bas de votre face va devenir pas mal plus lousse si tu embrasses est-ce que c'est deux fois par jour pendant un mois? OK. Oui, exactement. Embrasser quelqu'un d'autre deux fois par jour pendant un mois. Donc, ces sessions d'embrassade vont réduire la tension dans la mâchoire et vont aussi vous mettre de bonne humeur. Bien sûr, prenez un partenaire consentant et commencez à vous embrasser. Si tu peux pas le faire, évidemment, chaque jour ou deux fois par jour, au moins une fois de temps en temps, ça va aider. Ensuite, comment neutraliser un intimidateur ou quelqu'un qui peut être un petit peu... méchant au travail en lui demandant de ralentir et de s'expliquer. OK. Ouais, donc les intimidateurs, les gens qui vont un petit peu peut-être t'insulter une fois de temps en temps, tu sais, des fois moi envers David Ferron, c'est pas lui. Donc des fois ça peut être difficile à gérer parce que ces gens-là ne sont pas rationnels, n'agissent pas avec respect. Tu sais, ceux qui que si t'es pas de leur bord, t'es contre eux. Ouais. Tu comprends? Ceux qui s'emportent vite et que leur opinion est la seule opinion valide. On connaît tous quelqu'un comme ça. Au travail, ça arrive. Donc, c'est le site de conseil Barking Up the Wrong Tree qui nous explique que les intimidateurs, entre guillemets, au travail sont peut-être plus nuancés que ceux qu'on rencontre quand on est à l'école, au primaire ou au secondaire. Donc, à la place d'utiliser de la violence physique ou de les traiter de nom, ces gens-là ont plus de chances d'entrer dans des chicanes verbales, donc pour vous pousser psychologiquement, si on veut. Donc, si les choses vont mal, vous devriez leur demander de ralentir pour vous allez à comprendre. Donc, une demande polie et raisonnable. Donc, vous êtes là pour résoudre le problème, dans le fond. Vous, la personne qui est intimidée, si on veut. Et aucune accusation ne devrait être faite. Donc, s'il continue de crier, et toi, tu gardes le calme. Qui est en contrôle? Ben, c'est toi. Qui a l'air d'une personne un peu folle? C'est l'autre personne qui crie puis qui fait valoir son point de vue. Hein? Donc, vous devriez leur demander de s'expliquer. Pas fou? Vous avez donc le rôle de la personne en contrôle. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, on appelle ça la négociation par principe, pour négocier de façon plus efficace. C'est facile de voir la négociation comme de la confrontation, mais vous devriez essayer de résoudre des problèmes les deux ensemble. C'est ce qu'on nous dit. On appelle ça donc en anglais « principled negotiation » et ça contient quatre facteurs. Donc, c'est publié par l'Académie militaire des États-Unis, donc United States Military Academy. Et les chercheurs nous expliquent le concept. L'idée, c'est que les deux parties vont négocier de façon efficace, même en ayant différents intérêts. Donc, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Question de salaire, des trucs comme ça, on sait pas. Oui. Donc, l'approche était développée par un professeur de l'école Harvard Law School, Roger Fisher, et son collègue William Urey, fondateur du Harvard Program on Negotiation. Donc, pour commencer, on devrait séparer les gens du problème. Donc, dans le sens que le problème est sa propre chose et les personnes sont une autre chose, on sépare les deux sujets. Ensuite, on devrait focusser sur les intérêts et non ses positions, donc ce que ça pourrait t'apporter et non pas ce que t'en penses. Inventer des options pour avoir tous les deux un avantage, donc tirer profit de la situation les deux. Et insister à utiliser des critères objectifs et non pas subjectifs. Ah ah! Hein, tu comprends? Donc on appelle ça le cercle de la valeur. C'est fait pour satisfaire les deux parties à part égale. Donc, l'idée, c'est d'être objectif et logique pour éviter de changer ça en confrontation. Donc, à la place de peut-être focusser sur ce que vous devriez abandonner, donc si, mettons, le patron devrait abandonner et vous laisser gagner, à la place, les deux parties devraient trouver une solution créative qui va avantager les deux parties. Voilà. Je suis d'accord, en fait. Oui, moi aussi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ensuite, c'est une application pour... iOS seulement, donc pas d'Android dans ce cas-ci, c'est Vantage Calendar. Pour les gens qui sont visuels, est-ce que t'es visuel ou auditive? Je suis quand même assez visuelle. Ouais, moi aussi. Donc, Vantage Calendar est une façon visuelle de voir votre calendrier. Quand on regarde, bon, pour commencer, un calendrier, il n'y a pas grand-chose de plus visuel que ça. C'est ouais, les cases c'est avec ça. Des dates puis des affaires écrites dedans. On s'entend. Mais on s'entend que ça peut être un petit peu flou. Oui. Le calendrier avec des petites lignes rouges en chaque, puis bon, tu te demandes, c'est écrit tout petit, bon. Donc, Vantage Calendar, en fait, c'est un calendrier visuel dans lequel tu entres comme tu entres sur un Mac dans Time Machine, ou peu importe comment est-ce qu'on pourrait dire ça. C'est comme tu entres physiquement à l'intérieur de ton calendrier en le voyant devant toi. Donc, par exemple, tu vas voir les jours apparaître, disons, bon, je sais pas, 15, mettons, on va dire 1er mars en bas, et là, tu vas voir en 3D qui va pousser vers l'arrière un peu comme un Rock Band ou un Guitar Hero. Tu comprends le principe un peu? Donc, tu vas voir date, après ça, les événements, une autre date qui se suit derrière, là, comme sur Rock Band, les notes qui arrivent. Là. Donc là, tu vois le prochain jour, et là, le mois de février, t'écris en super gros avec l'année à côté. Donc, tu entres dedans comme si tu entrerais dans une chanson qui défile vers toi. Hein? C'est un peu comme Star Wars, si les gens connaissent pas trop exactement. Guitar Hero ou Rock Band. Donc, vous allez scroller, vous allez avancer dans le calendrier comme une timeline gigantesque qui disparaît dans le néant. Si vous tapez sur une date, vous allez voir les infos de la journée, ça peut être les infos de la semaine. Vous pouvez éditer, ajouter des événements, intégrer des listes de choses à faire, tout ce que vous pourriez vouloir d'un calendrier. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les gens visuels. Vantage Calendar, Vantage comme V-A-N-T-A-G-E. C'est $3.99 US, donc j'imagine dans le coin de 4,50, $5 sur le iTunes App Store. Ensuite, on va s'empêcher de dormir pour gérer l'insomnie. Moins dormir pour mieux dormir. Bizarre un peu, est-ce que t'as de l'insomnie une fois de temps en temps? C'est très rare. Ouais, ça m'arrive des certaines périodes dans l'année, j'ai de la difficulté à dormir. Ouais. Ces temps-ci, je dors presque pas. Ces temps-ci, je dors extrêmement bien. Ouais. Tu sais, je me couche puis je m'endors. Chanceuse. C'est comme ça pour le reste de l'année aussi. Bref, une option, donc, ce serait de s'empêcher de dormir. Voici comment ça fonctionne. Ça a l'air un peu d'un paradoxe, mais la thérapie par la restriction du sommeil, sleep restriction therapy, donc va descendre le temps que tu vas passer au lit pour éventuellement avoir plus de sommeil efficace. Donc, c'est une méthode qui prend plusieurs semaines. On doit connaître donc sa durée totale de sommeil pendant une semaine, ensuite restreindre le temps qu'on va passer au lit à ce temps-là exactement pendant une semaine ou deux, et ensuite trouver ton efficacité de sommeil. Donc, ça veut dire le temps pendant lequel tu dors vraiment et non pas juste que tu passes en train de t'endormir. Et ensuite, tu vas ajuster la durée que tu passes au lit jusqu'à ce que tu arrives à l'efficacité de 80 à 90%. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui vous explique comment faire, mais quand même, donc c'est une question mathématique, là, c'est un petit peu difficile à expliquer à la radio. Si vous avez d'autres désordres, d'autres symptômes comme peut-être marcher dans votre sommeil, c'est pas une bonne méthode, donc il faut pas utiliser ça. Ça pourrait être aussi très difficile au début, vous allez être très fatigué, avoir des maux de tête, mais ça va prendre un petit bout de temps avec votre corps s'ajuste à la nouvelle approche du sommeil. Donc, allez voir l'article si ça vous intéresse. C'est une vidéo sur YouTube qui se nomme Sleepless to Sleep Better. Je marche pas, mais apparemment, je parle. Dans ton sommeil. Ouais. Moi, j'ai des bruits bizarres. Ah oui, OK. Ah ouais. Ensuite, on nous dit que d'utiliser un pèse-personne, une balance dans la salle de bain, ça va défaire vos buts de fitness. C'est tellement vrai, là. Pourquoi, toi, tu penses? Parce que t'es mindé sur un poids en tant que tel, tandis que ton corps va changer en muscle et non pas nécessairement juste en graisse et tout ça. Oui, j'ai vu une photo avant-après d'une fille qui pesait exactement le même poids, mais avant et après. Donc avant, c'était flabby, puis après, c'était comme musclé, mais le même poids. T'sais. C'est ça. C'est pas super important. Bref, un pèse-personne dans la salle de bain, ça peut être une façon pour certains de focusser sur vos buts d'entraînement, mais vous pouvez devenir obsédé et ça pourrait devenir quelque chose de misérable pour vous. Donc, que votre but soit d'entrer dans vos pantalons ou de vous faire des muscles, c'est important de réaliser que le poids ne dit pas toute l'histoire. Donc, c'est l'article de Born Fitness qui nous explique qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on devrait pas trop penser aux chiffres exacts que l'on voit. Par exemple, le fait que ton poids change constamment pendant la journée, surtout si t'as pas fait de numéro 1 ou de numéro 2. Ensuite, ton poids va monter et descendre basé sur ton niveau d'hydratation, l'eau que t'as bu. C'est vrai. Tu peux être plus stressé par les chiffres sur la balance, ce qui pourrait mener à des mesures drastiques, des désordres alimentaires. Un seul repas pourrait changer ce chiffre. Par exemple, si tu as mangé un super gros repas, comme je sais pas, à l'Action de grâce, pourrait être plus lourd, étant donné que tu as emmagasiné plus de nourriture. Et la balance ne te dit pas ce qui importe vraiment, comme le ratio gras et muscles et les vraies améliorations à ta santé. Donc, à la place, on devrait utiliser le poids comme une seule donnée parmi tant d'autres pour vous donner une image complète de votre santé et votre pourcentage de gras. Corporel, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Oui, c'est l'indice de grève corporelle. Voilà. Ensuite, toujours dans les instructions d'assemblage, on parle de façon, diplomatique de répondre à un commentaire au travail, un commentaire qui pourrait vous gêner. Ça revient à ce qu'on a discuté tout à l'heure d'intimidation. Donc, si vous êtes dans peut-être une salle de pause, peu importe, avec un collègue de travail qui dit quelque chose qui a l'air de t'attaquer un peu, mm-hmm. tu devrais résister de faire du rouspétage et de répondre d'une autre façon à la place. Donc, c'est Joan C. Williams, directrice du Center for Work-Life Law au UC Hastings College of Law. Bref, qui nous recommande qu'on devrait éviter les accusations. Ah, d'accord. Donc, dire que quelque chose est offusquant pour toi va rendre l'autre partie, va les mettre sur la défensive et ça va compliquer le problème. Donc, on suggère d'expliquer comment leur commentaire vous fait vous sentir. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je sais que c'était pas ton intention, mais ça me rend mal à l'aise ce que t'as dit. » Ou encore « Je suis confus parce que t'as dit quelque chose. » Ou encore « Ça va être une façon plus efficace, bref, d'approcher les choses que de dire quelque chose de méchant en retour. » Mais je suis pas sûr que je serais capable de faire ça. Moi non plus. Vraiment pas. Une fois que... Je suis assez direct dans la vie. Je pense que j'irais plus comme directement au but. Ouais. Attends. Arrête de tourner autour du pot, là, comme... Donc, tu devrais suivre ça par une question, nous dit-on, comme dans « Qu'est-ce que tu voulais dire par là? » Hein? OK. Peut-être qu'ils réalisaient pas, que les personnes ne réalisaient pas qu'elles étaient méchantes avec toi. Voilà. Ah ouais, mais des fois, là, il faut comprendre que les gens, ils sont pas nécessairement méchants. C'est pas dit par méchanceté, c'est ça? C'est ça. Et le sarcasme aussi, ça passe pas toujours. Oui, exactement. Ouais. Bref, ensuite, t'as peut-être vu sur Facebook les vidéos qui commencent à jouer toutes seules, mais avec du volume maintenant. Ah non, j'ai remarqué par exemple qu'il y avait une nouvelle case qui s'affichait si tu continuais à scroll down. Je sais pas, j'ai pas vu ça. Si tu regardes, probablement, mais si tu regardes une vidéo maintenant, puis que tu décides de quand même poursuivre ta recherche sur Facebook, là, puis de descendre ta page, la vidéo va se mettre en haut à gauche. OK, moi j'ai vu des vidéos en bas à droite, mais c'est des Facebook Live. On dirait qu'ils savent pas se brancher. Okay. Moi, d'après moi, ils font des tests sur différents, différents téléphones. Mais j'aime pas ça. Et j'ai vu aussi le lecteur de photos. Quand tu cliques sur une photo, avant, ça arrivait sur un fond noir et tu pouvais la monter ou la descendre pour l'enlever. Maintenant, tu peux plus. Il faut que tu ailles avec ta main droite ou genre gauche pour aller faire le X dans le coin. Ça m'énerve tellement. C'est vrai. Tu sais, c'est pas constant l'utilisation de Facebook. Des fois, tu peux revenir en glissant par la droite. Mm-hmm. Des fois, tu peux revenir en glissant par en haut, par en bas. Des fois, tu peux juste pas glisser. Il faut que tu fasses le X. Ça m'énerve. Décidez-vous. Mais c'est pas le sujet de ce conseil. Les vidéos sur Facebook qui maintenant, en tout cas pour certaines personnes, commencent à jouer avec le volume. Tu sais, si les seuls endroits dans la vie, bon, pas les seuls endroits, une bonne partie des endroits où tu regardes du Facebook et que tu veux vraiment pas que le son joue, c'est à la salle de bain. Hein? Ouais. Et si les vidéos commencent à jouer avec du volume, c'est vrai. C'est vraiment désagréable. Bref, avant, il fallait absolument cliquer sur la vidéo pour entendre le volume, le son. Mm-hmm. Et maintenant, si votre appareil... OK, au moins, ça précise que si votre appareil n'est pas en mode silencieux. Comme moi, il est en mode silencieux 24h/24. C'est ça, ouais. Tout va bien aller. Mais ceux qui laissent leur son allumé et qui ont leur maudit son fatigant que j'ai envie de leur sacrer un coup de pelle en face avec le gling-ling, bli-bi-boup. Je suis désolée, Mathieu, ça arrive. C'est pas toi, c'est David Ferme. Salutations, David! Oui! C'est persécution! Oui! Intimidation! Bref, ça va être quelque chose de gossant. Donc, sur votre appareil iOS, pour commencer, on va faire Android tantôt. On tape sur l'icône qui est trois lignes, là, ce qu'on appelle le bouton hamburger dans le domaine, donc qui est en bas à droite de votre écran. Vous tapez sur paramètres, paramètres du compte et puis son, et là vous cliquez sur l'option vidéo démarrer dans votre newsfeed avec le son. Sur Android, et en passant, l'option n'est pas pour tous les iOS, c'est seulement ceux qui ont cette option-là. Évidemment. Ouais. Sur Android, on tape encore une fois sur le bouton hamburger dans le coin qui est en haut à droite, à la place d'être en bas à droite. Vous descendez dans paramètres d'application et vous cliquez encore une fois sur Videos et Newsfeed Start with Sound. Si vous ne voyez pas l'option, c'est que ce n'est pas encore arrivé sur votre téléphone. Hmm. Ensuite, on nous conseille d'être plus productif en s'assoyant à côté de quelqu'un qui travaille très fort. Hmm. Ah, d'accord. Peut-être aimes-tu ta vie privée, peut-être aimes-tu t'asseoir avec des gens qui vont t'aider à relaxer au travail, des gens que tu trouves sympathiques, des gens qui font pas trop de bruit. Pour travailler plus, donc, il faut se placer à côté de quelqu'un qui travaille très fort. C'est selon le site d'affaires Harvard Business Review. La personne avec qui tu t'assois pourrait affecter comment tu es productif. Donc, c'est la personne qui est la plus proche de ton bureau, accomplit beaucoup de choses et vous avez plus de chances de devenir focussé vous aussi. Et s'il placote, souvent distrait, tout le temps en train de faire plein d'anecdotes, ils vont vous distraire. Ben oui. Voilà, au travail. C'est pas vraiment une surprise, quand même. C'est pour ça que j'écoute de la musique bien souvent. Oui. Puis que je la mets forte. Tout le monde écoute de la musique. Exactement. C'est parce que je... Ben, dans des écouteurs, là, oui. Évidemment. Hein. C'est parce que je veux pas entendre ce qui se passe autour. Tout à fait d'accord. Ensuite, on nous dit qu'on devrait maintenir notre relation en traitant notre relation comme un compte en banque. OK, c'est-à-dire... Attends, le choc, ça va m'intéresser. OK, ça, on écoute. Donc, partager ses finances, c'est un sujet assez compliqué des fois, mais heureusement, ça va servir seulement comme métaphore. Donc, on n'aura pas à trop réfléchir côté finances. C'est les pires conseils que j'utilise dans cette chronique-ci. Je me mêle tout le temps dans les conseils d'argent. Donc, c'est un site de conseil Art of Manliness qui nous suggère que la comparaison a l'air transactionnelle, a l'air de vous conseiller comme un numéro. Hein, ça a l'air plutôt malaisant. Mais l'idée de voir une relation comme un compte en banque, c'est que les deux ont besoin de dépôts réguliers pour être maintenus. Hein? OK. Si tu vis comme, mettons, je sais pas, on va dire au hasard, nous deux. Ouais. Indépendamment. Oui, indépendamment. De chèque de paye en chèque de paye. Tu sais que c'est très, très, très soulageant, mercredi soir à 20h30 environ, de recevoir la paye de la semaine. Hein? Ça peut être très stressant parce que tu dois vider ton compte sur chacun de tes comptes que tu n'as pas réussi à payer parce que tu n'as pas d'argent. Donc, ta relation fonctionne d'une façon similaire. Tu as besoin d'entrées positives pour pouvoir avoir un retour sur ton investissement. OK, hein? Je comprends, ouais. Donc, c'est une philosophie de M. Gottman qui nous dit que il faut balancer, il faut équilibrer les choses. En ajoutant du positif. Donc, on a formulé un ratio précis où le mariage ou la relation va maintenir sa stabilité et son bonheur, qui est de 5 pour 1. OK. Un couple qui a 5 fois plus d'interactions positives que d'interactions négatives va finir par avoir du succès. Ah, OK, c'est bon. 5 fois le positif pour un négatif. Pour un négatif. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais c'est ce qu'on cherche. J'essaie de calculer. Donc, tu devrais peut-être négocier. Mais en fait, ça dit que tu n'as pas à négocier avec ton patron ou avec ta relation pour avoir une interaction positive. Tu devrais simplement prendre le temps pour être courtois avec ton partenaire, leur montrer qu'ils sont importants pour toi. Investir en votre relation. Ouais. Voilà. À la place d'avoir un chèque de paie au-dessus. Hein. L'analogie est drôlement boiteuse, mais quand même. Ouais, non, c'est ça. C'est pas la meilleure analogie. Je l'aime quand même, cet article. Ensuite, quatre questions qui vont vous aider à comprendre si vous prenez une bonne décision. OK. Tout le monde a des décisions difficiles à prendre dans la vie, que ce soit changer d'emploi, rompre avec quelqu'un que t'aimes quand même et avec qui tu es très attaché. Donc, ça pourrait être paralysant d'avoir à prendre une bonne décision. Ouais, vraiment. Donc, vous devriez vous poser ces quatre questions-là. C'est selon Mary Forleo qui nous suggère donc ces questions-là. Pour commencer, comment tu te sens quand tu penses au futur? Oh boy! Je sais. On commence pas avec une petite question, là. Question de psychologue. Donc, quand tu t'imagines en train de prendre cette décision-là, quelle va être ta réaction après avoir pris la réaction, la décision? Donc, est-ce que tu vas être nerveux? Est-ce que tu vas avoir... est-ce que tu n'auras pas envie de vivre ça? Est-ce que tu vas hésiter? Est-ce que tu vas être heureux? Okay. Donc, ce sont des réactions qu'on pourrait avoir. Ça pourrait t'aider à décider de quel côté tu devrais aller. Ensuite, quel est le pire scénario qui pourrait arriver? Ça, c'est mon genre de penser au pire. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont pessimistes, qu'on disait hier. Pessimistes, exactement. Donc, pensez à comment votre décision pourrait mal tourner ou négativement affecter votre vie. Et si ça arrive, la vôtre. Et est-ce que tu es prêt à dealer avec ça, à gérer ça? Okay. Ensuite, là, on va aller un petit peu plus positif. Quel est le meilleur scénario possible? Ah! Donc, trouver le meilleur résultat qui pourrait arriver après votre décision. Donc, est-ce que ça vaut? Est-ce que le positif vient battre le pire scénario? Tu comprends que le meilleur scénario est meilleur que le pire scénario? C'est drôle à quel point je trouve que cet article-là se colle bien à nos vies. À la vie de bien des gens, j'ai l'impression. Et est-ce que tu peux l'essayer à petite échelle? Donc, faire un genre de démo. Un démo! Si on veut. Donc, trouver une façon d'essayer votre décision sans vraiment vous engager. par exemple, mettons, on va prendre un emploi, ça va être plus facile. Oui, prenons un emploi. Donc, si vous voulez changer l'industrie, peut-être que vous pourriez faire du bénévolat pendant quelques mois dans cette industrie-là pour considérer si ça fonctionne pour vous, si les gens que vous rencontrez sont gentils. Vous pourriez même leur poser des questions. Comment est-ce que tu te sens maintenant que ça fait 10 ans que tu travailles là, etc., etc. Si tu considères peut-être une nouvelle ville, tu pourrais y aller en voyage, prendre une chambre d'hôtel, une auberge, quelque chose, pour aller vivre là-bas dans la ville et essayer la chose. Pas dans fou. Une relation, je dirais pas de faire semblant que tu veux vraiment en couple. Mais bon, essayez. Il y a des choses qui s'appliquent, puis il y en a d'autres qui s'appliquent pas tant que ça. Quatre questions donc à se poser. Tu sais, teste la pas, puis ça te fait mort. Le test de poche. Hey, j'ai un conseil qui est complètement différent et qui va nous rendre un petit peu moins pensifs sur nos différentes relations et problèmes de la vie. OK. Identifions des chocolats en boîte sans avoir besoin du petit carton. Oh my God, OK, vas-y. Tu sais, des fois, ça arrive que tu vas avoir une boîte de chocolat, mais c'est pas identifié, il faut que tu ailles par le goût. Là, bon, okay, tu sais il y en a qui sont pas bons. Ouais, tu sais que celui-là est à notre coco, peut-être que la prochaine fois, tu vas pouvoir donner celui à notre coco à quelqu'un d'autre. Tu sais, le petit jus à la cerise, là, moi, ça... J'adore le petit jus à cerise. Moi, ça jaillit ça. Bref, plusieurs chocolats en boîte viennent avec un petit menu pour vous dire quel chocolat est dans quelle case. C'est pratique. Par exemple, si tu veux manger tous les caramels, hein? c'est mon cas. Mais même si t'as pas le guide, c'est facile d'identifier les chocolats par leur forme. C'est le site Epicurious qui a parlé à un chef exécutif chez Godiva, Thierry Mourin, qui nous explique que les chocolatiers vont mettre les décorations sur leur chocolat et vont choisir les formes pour indiquer ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, d'accord. Par exemple, des chocolats avec des formes très angulaires, là, très intenses. Là. Tu vois, c'est un chocolat sérieux. Là. Ouais. Ça va souvent indiquer des saveurs plus intenses, comme caramel et fudge. OK. Les caramels mous vont souvent être carrés. Ah, d'accord. Les caramels mâchouillants, c'est chewy. Ouais. Vont souvent être rectangulaires. OK. Si tu cherches un chocolat avec un centre crémeux, onctueux, tu devrais chercher des formes rondes et onctueuses. Oh, d'accord. C'est un petit appareil mémotechnique, là. Donc, Murray nous dit que les cherry cordials dont tu as parlé tantôt, aux cerises, sont souvent en forme de dôme. Ah, OK. Même chose pour les buttercream, crème de beurre à l'intérieur, donc souvent en forme de dôme. Les couleurs peuvent nous aider à identifier les saveurs aussi. Un chocolat à saveur de citron pour avoir une petite bande jaune dessus. Aha. Et un chocolat à saveur de noix de coco pour avoir un point blanc. Tu vois un point blanc noix de coco. Imagine-toi l'intérieur de noix de coco. J'avoue. C'est intéressant quand même, hein? Très intéressant. Faites le test, pourquoi pas. Hmm. Voilà, je pense qu'on devrait arrêter là-dessus. Ça nous finit sur une bonne note. On aime ça. Allez voir les liens pour les instructions d'assemblage sur assemblagerequis.com. C'est dans les notes de l'émission numéro 1074. On prend une pause. Au retour, c'est à ton tour, Tania Esgonette. Tania, génial. Oh, okay, oui. Qu'est-ce que tu vas nous réserver? Peut-être as-tu un point blanc sur ta chronique pour nous identifier ta saveur? Peut-être. Qui sait? On va gratter au retour. Ce mercredi 1er mars 2017, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh oui, le mois de mars, toi. Ok, oui. Incroyable, ça va vite. Ça veut dire que le 28 jours sans alcool est terminé. Oui. Nous pouvons maintenant boire du vin. Et du café Baileys. Ok, oui. Mais pas au travail, bien sûr. Non, bien non. Donc maintenant, évidemment pas, on est très, comme très... comme un long silence. Ouais, aucun malaise ici. Donc, avant de passer à ta chronique, Tania Esgonette-Tania, on a le temps pour une petite chanson et je pense qu'on est dû pour du Darcy's. Je pense que oui. Ça va nous mettre vraiment dedans. Voici Coming Up for Air à Assemblage Requis. Across the floor, arch your back to your imagination. Really take hold. Hold your breath, I feel the inhalation. Fill up your lungs and close your eyes and let the trepidation unabandon your bones and let yourself go. And I'm coming up for air. you suffer through. Oh, set the weight off and let yourself go. Coming up for air à Assemblage Requis. Maintenant, maintenant qu'on a plongé dans l'émission, on peut ressortir, essayer de prendre de l'air et de s'ouvrir le cerveau pour pas avoir de l'air. Parce que si tu, mettons, tu manques d'air dans le ventre de ta mère, tu vas... Oh boy. Ouais, je sais pas où ça serait. OK. Voici, non, c'est vrai, ceux qui manquent d'air, ouais, ils sont pas intelligents. Ça, oh, Mathieu! Ça, je sais pas. Ben là, je sais pas, j'ai pas fait cette recherche-là. Je sais pas, bref, c'est un lien. Demain, assemblage requis. Coupez son montage, gamin. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. She's gonna dream. Intelligence artificielle ce matin, Tania. Ouais, exactement. Intriguant pas mal, ça. On dirait que je suis comme partie dans un trip semi-scientifique. Oui, des trucs intelligents, là. Technique et technologique et tout ça, ouais. Hier, je vous ai parlé de web marketing. Je vous ai un petit peu présenté qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui, pourquoi c'était si populaire. Bien, je vais faire un petit peu la même chose avec l'intelligence artificielle ce matin. Si on parle de façon quasiment scientifique, l'intelligence artificielle, en fait, c'est une discipline qui est scientifique et qui recherche des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité. Donc, c'est que ce sont des choses qui sont quand même assez difficiles, mais à complexité logique ou encore algorithmique. On comprend. Par extension, on désigne dans le langage courant les dispositifs qui imitent ou qui remplacent l'être humain dans certaines mises en œuvre de certaines fonctions cognitives. Jouer aux échecs, là. Ben, ça pourrait. Mais si on y va de façon un petit peu plus précise, parce que dit comme ça, c'est pas mal vague, ça veut pas nécessairement dire grand-chose, puis peut-être que vous avez même pas compris ce que j'ai dit. Donc, si on y va selon la définition de Wikipédia, le terme d'intelligence artificielle a été défini par un des créateurs qui était Marvin Lee Mischke. Et ça a été décrit comme étant la construction de programmes informatiques qui va s'adonner à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains. Parce qu'elles demandent, par exemple, des processus mentaux d'un haut niveau, comme l'apprentissage perceptuel, donc la perception d'un apprentissage, l'organisation de la mémoire, donc ça prend quand même de la mémorisation. On parle aussi de raisonnement critique, ce que la plupart du temps, les humains vont avoir une certaine facilité à faire parce que ce sont, comme je le disais, des tâches qui sont courantes pour nous que de faire dans ces trois domaines-là. Mais si on y va côté intelligence artificielle, mm-hmm. parce qu'on retrouve quand même le côté artificiel qui atteint l'usage des ordinateurs, les processus électroniques, on parle aussi du côté intelligence qui est associé à un but d'imiter le comportement. Donc, intelligence artificielle, en fait, ça veut dire d'essayer d'imiter le comportement de l'intelligence d'un être humain. Quelque chose qui s'adapte. Exactement. Aux événements, non pas juste automatique comme un robot dans une usine qui fait juste... T'as bien compris. Plante une fille. Parce que le raisonnement critique, c'est une des grosses parties de ce qu'on parle, qui est un raisonnement humain qui doit être retrouvé aussi en intelligence artificielle. Et si on y va selon les règles qui doivent être respectées, mettons dans la définition de Marvin Lee Minsky, il existe quand même un certain nombre de définitions différentes de l'intelligence artificielle qui varient sur deux points qui sont très fondamentaux dans le monde de la technologie. C'est les définitions qui vont lier la définition de l'intelligence artificielle à un aspect humain de l'intelligence et celle qui lie à un modèle idéal d'intelligence, mais pas forcément humaine, qui est la rationalité. Donc, on recherche aussi ce côté-là d'être rationnel dans l'intelligence artificielle. Tu sais, vous savez, quand on dit que parfois, on n'est pas très, très rationnel parce que, je sais pas moi, nos émotions viennent chambouler ce qu'on pense ou la rationalité de ce qu'on dit. Mais c'est un petit peu ce que l'on recherche du côté intelligence artificielle, c'est d'avoir cette rationalité-là, de pouvoir dire, attends, si je mets vraiment tout en perspective, qu'est-ce qui devrait être rationnel et qu'est-ce qui devrait être la solution finale? Sans nécessairement penser, ah ouais, mais là, j'ai passé beaucoup plus de temps avec cette personne-là ou j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler sur ce projet-là. Je devrais automatiquement choisir ce projet-là sans qu'il y ait nécessairement les meilleures cotes pour peu importe. Donc, par la suite, ce qu'on a, c'est les définitions aussi qui insistent sur le fait que l'intelligence artificielle a pour but d'avoir toutes les apparences de l'intelligence humaine et celles qui insistent sur le fait que le fonctionnement interne du système d'intelligence artificielle doit ressembler également à celui de l'être humain et être moins rationnel aussi. Donc, on a deux définitions qui sont quand même assez différentes de la définition qui a été faite par un des créateurs de l'intelligence artificielle qui viennent quand même se contredire. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est quand même gros. C'est quelque chose aussi avec lequel on peut naviguer pendant vraiment longtemps selon les buts qu'on s'en fixe. Bien évidemment, si on parle de l'intelligence artificielle du côté technologique, que ce soit par exemple pour les ordinateurs, pour les applications et tout ça. Les voitures qui conduisent toutes seules. C'est sûr que si vous faites une application à titre intelligence artificielle et que vous voulez absolument que ça soit rationnel, bien vous allez rajouter l'algorithme qui va faire en sorte que ça va être d'une rationalité exemplaire. Ça se fait pas de même. Exactement. Hein? Siri a pris des années à être construite pour être au moins cohérente quand tu lui parles. Puis elle n'est pas tout le temps cohérente pas non tout plus. Le temps, non. Pouvez-vous répéter la question? Exactement. Ça peut arriver souvent si vous lui parlez à Siri. Mais oui. Si on se lance un petit peu dans l'historique aussi, qu'est l'intelligence artificielle, bien, on a trouvé le point de départ avec les travaux d'Alan Turing, qui lui s'est demandé vers les années 1950 si une machine pouvait penser. C'est vraiment ce qui a lancé le phénomène d'intelligence artificielle. C'est qu'on s'est posé la question, est-ce que une machine peut penser comme un être humain. Et l'origine de l'intelligence artificielle semble vouloir trouver dans un article justement d'Alan Turing qui a été intitulé Computing Machinery Intelligence, qui lui aussi a été écrit en 1950, où justement dans cet article-là, on propose une expérience de définition d'un espèce de standard qui permet de qualifier une machine comme une machine consciente. Quand on dit qu'on a une conscience, c'est qu'on est capable d'avoir une réflexion. Donc automatiquement, si une machine est consciente, c'est qu'elle peut penser. Et c'est un petit peu là-dessus que se basait Alan Turing vers les années 1950 pour pouvoir faire toutes ses études face à l'intelligence artificielle. Donc, il a développé l'idée dans plusieurs forums et il a aussi développé son idée dans la conférence « L'intelligence de la machine, une idée hérétique », qui est une conférence que quasiment tous les adeptes d'intelligence artificielle ont vu minimum 5 fois. C'est probablement trouvable aussi sur Internet si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais on considère que l'intelligence artificielle, si on le calcule par exemple dans le domaine de la recherche, ça a été créé à la conférence qui s'est tenue sur le campus de Dartmouth College vers 1956, où justement On a assisté ceux qui ont vraiment mis cette discipline-là sur le marché. C'est-à-dire que dans la salle, il y avait, par exemple, plusieurs personnes qui, eux, se sont concentrées sur ce sujet-là, qui était l'intelligence artificielle, en sortant de cette conférence-là, et qui ont décidé d'en faire quelque chose qui est devenu immense aujourd'hui. On parle, entre autres, après l'intelligence artificielle, ça s'est développé surtout aux États-Unis. Ça s'est développé à l'Université de Stanford, sous l'impulsion de John McCarthy. Ça s'est développé aussi au MIT, sous la surveillance de Marvin Minsky. Ça s'est développé à l'Université Carnegie Mellon, sous la tutelle d'Alan Newland, et aussi Thurbert Simon, et aussi à l'Université d'Edinburgh, sous la tutelle de Donald Michie. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont ajouté quelque chose au domaine qui était l'intelligence artificielle. De leur côté. Exactement. Chacun de leur côté, qui en ont fait quelque chose qui est beaucoup plus gros aujourd'hui. Et bien évidemment, aujourd'hui, on ne se rend pas tout en compte que l'intelligence artificielle est autour de nous. Tout à l'heure, tu parlais de Siri. Je pense que c'est un des meilleurs exemples, si on regarde ça comme ça, que de se dire que notre téléphone peut penser pour nous à un certain point. Et là, la mode est au chatbot sur Messenger, sur Facebook Messenger. Okay, tu peux parler aux compagnies et poser des questions, mais c'est des robots qui répondent. Exactement. C'est parce qu'en fait, 2017 devrait devenir la grande année pour l'intelligence artificielle. En 2016, comme tu viens de le dire, on a eu déjà plusieurs avancées du côté de l'intelligence artificielle. Tu parlais des chatbots. C'est drôle parce que j'ai lu un article justement hier qui disait qu'on s'est posé la question à savoir si les résolutions, si tout ce qui se passait sur Internet pouvait avoir justement une intelligence artificielle insérée dans leur algorithme. Parce que c'est bien beau, par exemple, le web marketing et l'algorithme de te dire que Facebook te connaît bien ou que ton Internet te connaît bien parce que tu vas voir des articles qui vont être reliés avec ce que tu as déjà aimé sur Facebook. Mais cette interaction-là avec le clic suffit juste au clic. C'est-à-dire que ça s'arrête là. Il n'y a pas personne qui, sur, par exemple, Facebook, quand tu cliques sur un article, va dire « Veux-tu vraiment cliquer sur cet article-là? Est-ce que tu es sûr que tu aimes ce sujet-là? » Ça fait juste considérer le fait que tu as cliqué sur cet article-là. Donc, automatiquement, tu as une appréciation de ce que tu t'en vas lire. Et eux, ils présument que tu as cliqué dessus parce que tu aimes ça. Mais tu sais, ça peut être aussi que tu as cliqué dessus parce que tu détestes ça puis tu veux en rire. Exactement. Mais ça va te mettre plus de ces nouvelles-là quand même. Ben oui, tout à fait. Donc, si on parle, par exemple, d'Internet et des algorithmes qui croient nous connaître, qui croient nous rejoindre, bien, est-ce que c'est possible, en fait, de concevoir de tels programmes d'intelligence artificielle aujourd'hui face à ces algorithmes-là? C'est un petit peu ce à quoi va ressembler l'année 2017 pour l'intelligence artificielle face aux réseaux sociaux. C'est que le problème, en fait, avec les algorithmes actuels qui n'ont jamais vraiment l'occasion d'en apprendre plus sur, justement, les personnes qui vont aller cliquer sur les liens ou à propos de nos aspirations à nous, parce qu'on n'a jamais de conversation avec ceux qui font ces algorithmes-là et en dehors de, bien évidemment, nos interactions web, comme cliquer, par exemple, sur un hyperlien. Et la première étape, selon un spécialiste d'intelligence artificielle et un analyste d'intelligence artificielle québécois, la première étape serait de créer en fait des interfaces justement avec une intelligence artificielle qui permettrait d'avoir des conversations du type « j'aurais donc dû ». Tout à l'heure, tu parlais de chatbox. C'est un petit peu dans ce genre-là qu'on s'est basé. C'est qu'on est en train de se demander justement si nos hyperliens, si les clics sur nos hyperliens nous représentent vraiment tant que ça. On devrait peut-être avoir justement ce questionnement-là avant d'aller plus loin sur un hyperlien sur Internet. Donc, ça serait une intelligence artificielle qui serait bienveillante et qui deviendrait à un certain point notre allié. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, quand Internet a commencé, on pouvait parfois devoir cliquer comme 5 fois avant d'arriver quelque part parce que ça disait « Voulez-vous vraiment aller là? Voulez-vous vraiment aller là? Et voulez-vous vraiment aller là? » C'est un petit peu dans ce même genre d'algorithme-là d'intelligence artificielle qu'on va se positionner dans la prochaine année pour que cet assistant-là qui est bienveillant puisse résumer notre journée en ligne ou hors ligne ou encore nous demander comment est-ce qu'on se sent à propos des actions quotidiennes qu'on a posées sur Internet. Donc, sur une conversation sur nos aspirations pourrait s'en suivre. On pourrait avoir aussi des idées si, par exemple, je sais pas moi, on est du style à vouloir discuter de ce que l'on veut faire comme projet dans les prochains mois, bien on pourrait avoir une interaction avec notre ordinateur ou notre réseau Facebook. L'intelligence artificielle, ça a un rôle à jouer dans cette démarche-là, bien évidemment, parce que nos désirs sont beaucoup trop complexes pour être résumés à partir d'un simple questionnaire. Et c'est un petit peu pourquoi on tente justement de creuser un petit peu plus loin dans ce que ça pourrait devenir, et on pourrait aussi transmettre avec les plateformes web autre chose que les simples traces des clics. Tout à l'heure, quand on parlait des algorithmes, c'est que chaque fois que vous allez cliquer sur quelque chose, ça va être enregistré dans votre système informatique, ça va être analysé en quelque sorte, ça va être rentré comme quoi ce sont des choses que vous aimez, comme je le disais tout à l'heure, parce que ce qui compte vraiment, c'est ce que vous auriez aimé faire, pas nécessairement ce que vous avez fait. Donc, par exemple, cliquer sur moins de liens ou passer moins de temps en ligne ou lire plus de livres, c'est quelque chose qui pourrait découler de cette fameuse algorithme-là d'intelligence artificielle qui viendrait se mélanger à tout ça. Donc, si par exemple, vous, vous êtes sur Facebook, vous voyez un lien d'un livre et vous allez cliquer sur ce lien-là qui va présenter le livre, peut-être que l'intelligence artificielle viendrait vous dire « Est-ce que vous n'aimeriez pas plus aller le chercher à la bibliothèque? » Ah, oh! Oh! Non! Parce que un petit peu plus tôt, tu aurais discuté avec cette personne-là, cette intelligence artificielle-là, que t'aimerais mieux, t'aimerais prendre plus de temps pour te rendre à la bibliothèque et lire des livres autres que sur Internet. Donc, on aurait cette espèce d'interaction-là qui deviendrait quasiment une interaction avec une certaine personne. Tu prendrais pour ma main? Ben, quasiment. Et c'est un assistant qui est bienveillant, qui pourrait être aussi une extension naturelle des applications de productivité existantes, qui sont déjà sur Internet, qui nous aident un petit peu au quotidien et tout ça. Donc, tout à l'heure, je vous disais que 2017 devrait vraiment être l'année prospère pour l'intelligence artificielle, parce que, tu le disais tout à l'heure aussi, on a les voitures autonomes qui vont se mettre sur la route. C'est quelque chose qui fait partie de l'intelligence artificielle. On s'entend, c'est plus quelqu'un qui va contrôler la voiture. C'est vraiment la voiture qui va quasiment vous contrôler à ce moment-là. Donc, ça devient justement une grosse année pour l'intelligence artificielle dans tous les domaines, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans les voitures, dans l'automobile, que ce soit aussi dans les applications, que ce soit dans la cuisine. On voit de plus en plus des robots ou... pas nécessairement des robots, mais des fours qui vont être intelligents. On voit aussi des Magic Bullet intelligents, ce genre de choses-là. Ben non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je veux Magic Bullet intelligent. Ouais, mais c'est comme un... Ça vaut pas des faux espoirs. C'est comme un Alexeur, hein? Ouais. Intelligent, il y en existe. Tu contrôles par ton iPhone, là? Ou ben oui. OK. Mais c'est pas un Magic Bullet, là. J'ai dit Magic Bullet pour que le monde sache quoi. OK, ouais. Tu comprends? Oh. OK. T'as pas genre un Magic Bullet intelligent sur Internet? C'est un Alexeur intelligent. Mais on parle aussi d'intelligence artificielle qui va se développer dans le monde de la médecine. Mmh. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui est important. Et Edmonton va se ramasser au cœur du développement de l'intelligence artificielle, justement du côté de la médecine, cette année. C'est qu'on a décidé de devenir une plaque tournante pour le développement de l'intelligence artificielle. Donc, il y a une équipe quand même de sommités, là, de gars et de femmes très intelligents qui se sont formés à l'université de l'Alberta, qui vont aider grandement les start-up dans le domaine de la médecine, de l'intelligence artificielle et aussi dans les compagnies qui existent déjà pour profiter de cette technologie qui va devenir en quelque sorte bénéfique pour tous si ce sont des projets qui se mettent à terme. Parce que du côté de la santé, on parle par exemple du diagnostic par intelligence artificielle. Est-ce que ça va en quelque sorte devenir niaiseux pour la médecine? Est-ce que ça va faire en sorte que ton médecin va être moins pris au sérieux? Ce sont encore des questionnements, mais c'est quelque chose sur lequel on a commencé à travailler en 2013. Ça peut sauver des vies. Ben c'est justement ce qu'on se dit. Si ça peut sauver des vies, pourquoi pas le faire? Et on travaille surtout sur les diagnostics d'intelligence artificielle pour ce qui est du cancer. Donc, on parle d'un marché qui est quand même grand public. On parle d'IBM, qui n'est pas le seul terrain. Google aussi, Apple, ce sont tous des entités qui investissent dans l'intelligence artificielle du côté de la médecine, parce que c'est un petit peu la voie de demain dans l'intelligence artificielle, de pouvoir aider justement les gens et le domaine de ce côté-là pour, bien évidemment, comme tu le disais, pouvoir sauver encore plus de vies. et l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut vraiment aider le domaine de la santé? Mais c'est sûr que ça repose sur trois grandes composantes pour bien fonctionner. On parle de beaucoup de données, on parle de la puissance de calcul et des algorithmes qui vont être bien entraînés, qui vont être bien mis dans le système. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, ça fait des opérations qui vont être logiques, qui vont être comparées, des indices qui vont être trouvés dans le jeu de données d'apprentissage avec des nouvelles données qui vont vous être présentées. Exactement un petit peu comme la médecine. Si on prend un corps parfaitement en santé et qu'on y ajoute certains problèmes, bien, on va arriver à diagnostiquer, par exemple, une grippe, là, tu sais, je dis ça comme ça, mais... Le lupus. Oui, c'est ça. Mais ça va permettre de tirer des conclusions qui vont être statistiquement fiables. Donc, c'est pourquoi on trouve que la médecine et l'intelligence artificielle, ça pourrait être un très bon mélange. Parce que dans le domaine de la santé, il existe beaucoup de données standardisées, déjà, qui sont dotées d'une intelligence artificielle qui peut les analyser. Donc, pourquoi pas mettre tout ça à la même épreuve et de se dire qu'on peut arriver à sauver des vies avec tout ça. C'est une impression aussi de tout savoir parce qu'en santé, comme dans tout autre domaine, poser un diagnostic, c'est d'une précision qui est assez vitale. Donc, on veut s'assurer que les technologies qu'on va développer du côté de l'intelligence artificielle soient à la fine pointe de la technologie et à la fine pointe de tout ce que l'on sait déjà du côté de la médecine pour être sûr et certain que si, par exemple, on fait un diagnostic à distance avec une application d'intelligence artificielle ou si on fait une chirurgie à distance avec de l'intelligence artificielle, ce qui se développe aussi du côté de la médecine, que ce soit extrêmement précis et que ce soit véridique pour pas que ce soit pire que si ça avait été autre que par une application d'intelligence artificielle. Donc finalement, vous vous dites ce que vous voulez, mais l'intelligence artificielle en 2017, ça devient un petit peu beaucoup très important. Et non, il n'y a pas d'intelligence faite à partir de savoir naturel. Non, non. Sans gluten. Exactement. Il n'y a pas ça. Mais si, par exemple, vous cliquez sur tout ce qui n'a pas de gluten, peut-être que votre ordinateur va vous demander si vous aimeriez pas manger du gluten. Voilà. Peut-être aimeriez-vous le gluten. Peut-être aimeriez-vous le gluten. Merci, Tania. Fait plaisir. Ah, wow. Il n'y a pas d'OGM là-dedans, donc il n'y a pas non de... Non plus. À l'intelligence artificielle, un dossier fascinant, bien sûr. On fait Agnès Gollin-Tutinia tous les matins de semaine à Assemblage Rock. On écoute une pièce. On a du temps, à ben peine, oui, aujourd'hui, étant donné que Sébastien n'est pas là pour nous mettre en retard. Alors, on écoute... c'est pas grave. On écoute Alphatra. Pas Alfalfa, ça, c'est plus non, tard non, non, l'émission. Pas Alphatra. Alphatra. Alphatra. Voici la fuite à Assemblage Rock. Et la pièce La Fuite à Assemblage Rocky. On prend une pause au retour. Colin, ça va être le fun. Ça va être Xavier Miklich pour parler de la huître. Ouh. Oui, après ça, Alfalfa le lutin. Mmh. d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes à Assemblage Requis en ce mercredi 1er mars 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a Xavier Mécliche qui est avec nous pour la chronique de la lutte. Salut Xavier. Salut, ça va bien? Hey, t'aimais mes chemises? Comment tu trouves celle de cette semaine? T'as une très belle chemise. Ok, on va en parler pour les gens à la radio. Chemise rouge bourgogne avec des étoiles dorées. Et des points. Des points. Et j'aimerais dire quelque chose. Noires. Oui, oui. Pour tous ceux qui veulent commander en Chine, parce que ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. Sachez que, ultimement, je fais du small pour hommes. Et en Chine, quand tu commandes des chemises, je fais du X large. Ah! Yoï! Donc, c'est vrai que t'es sur un frame de chinois. En fait, moi, je, c'est vrai, hein? Moi, je suis le gars que quand tu vas à d'arbre en arbre, si je passe pas en premier, comme, je suis la sécurité, faut que je passe en premier. Parce que si je passe, tout le monde passe. Oh, wow! Ouais, en Chine, c'est ça. C'est non, cool. Mais au Québec, si je passe, faut que je passe en dernier. Tu sais, comme, c'est pas grave. C'est une belle chemise, hein? Voilà, donc, parce que je pense qu'ils ont pas le 16 enfants. Ça existe pas. Non? Donc, information pour ceux qui commandent en Chine. T'achètes tes chemises sur Internet pour la. C'est pas moi, c'est le gars qui me l'a donné, qui l'a acheté en Chine. Mais habituellement, mettons, tes autres. Habituellement, mettons, je suis un gars qui achète pas mal friperie. Oh, ouais, ben c'est cool, ça. Ouais, j'aime ça jouer avec mes amis au jeu de combien je me suis. Comment ça coûte m'habiller aujourd'hui. Pas grand chose. Mon record, c'est 25 cents. Aïe, aïe! On en reparlera. Non, mais c'est, voilà. C'est vrai. Ah, une chronique vêtements avec Xavier serait il cool. Il était en boxer. Eh non, il y avait les boxers. Il y avait pas les sans les souliers, mettons. Sans les souliers. Ok, sans les souliers. Est-ce que t'achètes des boxers usagés? Non. Non, c'est ça. Okay, troué. Quand même. Troué. Troué. Spécialement troué. Bref. Spécialement troué en avant. Parce que c'est plus facile à l'auto. je pensais à autre chose. Parce que, ouais. J'entends dire qu'aujourd'hui, on fera pas de Facebook Live. Des fois, ça arrive qu'on en fait pour ta chronique et celle de ton collègue Alpha Fall Lutin. Aujourd'hui, je pense que sur iOS, t'es en train de vraiment suivre les transactions. Écoute, moi, je suis dans la vie. Est-ce que tu sais de quelles transactions il parle? C'est un grand fan de bourse, il regarde CNBC toute la journée. Oui, exactement. Non, dans la vie, moi, je pense qu'il y a une autre émission de sport là, sur. J'ai oublié toujours son nom. Patrick Transaction, les mêmes jeux à matin. Je devrais être là. Ouais. Ça devrait être moi qui anime ça. Fais-toi inviter. Ah ouais. Fais-toi inviter. Au moins. Écoute, si tu écoutes, ben écris-moi Xavier sur Facebook. Ok. maintenant que c'est fait. Maintenant que c'est fait, est-ce qu'on parle d'impro? Eh oui. Cool. Le voici dans les coulisses de la lutte. Wouhou! Est-ce que je. Ah non, je peux couper. Mais non, on va chanter dessus. On t'entend. Ça me fait toujours aussi plaisir d'entendre ça. C'est dans les coulisses de la lutte, on ne peut pas s'empêcher, cette chanson est tellement entraînante qu'on doit chanter par-dessus. Eh oui. Et c'était l'avant-dernier match de la saison régulière. Et ce match-là déterminait les champions de la saison régulière. Donc à la toute fin de ce reportage, je vais savoir qui a finalement gagné la bannière. Voilà. Donc, ce match-là commence avec un problème. Ensuite, en début de saison, on a eu un problème avec notre calendrier, comme on l'a eu toute la saison. Donc, ce qui arrive, le fait qu'on n'a pas d'arbitre. Parce que c'était pas supposé être cette sorte de match-là. C'est parce que c'était la semaine de relâche. Avant, oui, à l'origine, la semaine de relâche, c'était la semaine du 27 février. C'est vrai. On est placé la semaine du 6 mars, ce qui a tout plein d'autres conséquences, mais dont on parlera plus tard. Mais la première conséquence qu'on a, c'est que on est rendu en même temps que le secondaire. Ouais. Donc, c'est une grosse conséquence. Oui, c'est une conséquence pour tous ceux qui voulaient magasiner. Oui. Donc maintenant, revenons à l'impro. Ils voulaient voyager aussi en passant. Ceux qui avaient acheté leur billet d'avion sont pas là. On a dû avoir un invité arbitre, Marc-André Marion Flamand. Oui, Marc-André Marion Flamand qui Il est sub habituellement des oranges. Des oranges. Et il a fait de lui-même ce que j'appellerais Lionel Groulx dans le monde de l'improvisation. Donc il a été un arbitre hyper théâtral mais hyper direct qui a une rhétorique impressionnante. Beaucoup de pénalités de sa part. Beaucoup de pénalités de sa part, mais c'était un très bon match et je pense qu'il a gagné. Presque. Il a gagné tout avec des réponses aux joueurs qui venaient demander des pénalités. Ah, absolument. Il a été assez tac au tac et il a bouché Gabriel Béhoud une coupe de fois dans disons ce match. Donc, si on perd un arbitre l'année prochaine, ça pourrait être un bon spot à remplir pour Marc-André Marion Flamand. Ben, moi, je pense que si Marc-André Marion Flamand n'est pas joueur de la Luître, ben, moi, j'ai toujours parié dans l'improvisation qu'il faut tailler une année off. Ben, ouais, c'est un peu... Faut être en année off. Marc-André était joueur complet une année, ensuite est passé à sub l'autre année. C'est un petit peu plate pour lui. Donc là, est-ce qu'il va revenir joueur? Est-ce qu'il va changer de branche? Ça va vraiment dépendre des cibles. Comme on parle toujours des capitaines, c'est pas parce qu'on l'a toujours dit cette année, les subs sont pas moins bons que les joueurs réguliers, c'est qu'ils fitaient moins dans les concepts que les capitaines s'étaient donnés. Absolument. Parce que l'année prochaine, il y aura une équipe plus théâtrale parce que Marc-André se tire très bien du jeu au niveau du théâtre. Ce sera. Mais selon moi, quand tu deviens arbitre, faut que tu aies une année off. Oui. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il y en a qui l'ont pas. Mais lorsque n'importe quelle ligue, tu deviens un arbitre, faut que tu aies une année où tu n'es pas dans la ligue, ni impliqué, ni membre du CER, rien. Que tu aies une année où il n'y a rien. Tu fais juste arbitrer. Non, tu fais rien. Une année où tu n'as rien. Okay, okay, une année okay. Que tu n'es pas impliqué dans la ligue pour te donner du recul. Ah, je comprends. Puis que tu aies plus de notoriété en fonction des joueurs que tu arbitres. Oui. Parce que moi, je considère que. C'est des vedettes, les arbitres. Oui, puis c'est que si tu n'as pas cette année off-là, tu vas arbitrer des joueurs avec qui tu jouais. Donc, t'as quand même un opinion qui est flouée. Alors que ton année off te permet de changer d'air. C'est pour ça d'aller jouer complètement seulement à la lime avant de revenir comme arbitre. Mais moi, c'est mon opinion personnelle. Ben, ça a bien du sens. Ça, bien donc, ça fait vraiment beaucoup de sens. Ouais. Ben, c'est vous. Moi, c'est mon opinion. Si vous trouvez pas ça. De toute façon, il y a 12 ans, je veux dire, il y a pas d'expérience. Ouais, c'est ça, de aucune façon. Expérience de vie. Tout donc, Marc-André a mené un match avec plusieurs catégories funky. Oui. En partant, la première, les pires façons de choquer l'impro. En lien avec Marc-André Fortin qui était pas là des rouges, il est jamais là. Ben, oui, je pense qu'il a joué 5 matchs dans la saison, 5 ou 6 matchs. Fait que oui, donc comment annoncer qu'on ne vient pas à l'impro? Donc en lien un peu avec le fait que l'arbitre n'était pas là. Très bonne improvisation, on a eu plusieurs bons gags cette improvisation-là. On était assez impressionnant au niveau des thèmes aussi. Là. On est allé dans plusieurs thèmes variés au cours de ce match-là. La deuxième, entre autres, la roue du malheur qui m'a un peu. Moi, j'aurais pas su quoi faire. J'aurais pas su. C'est laquelle, c'est la don? Je ne sais pas, mais c'est la roue du... Je trouvais que le... Non, mais moi, ça m'a marqué. Ouais. Le deuxième roue du match s'appelle la roue du malheur. Mm-hmm. Assez surprenant. J'aurais pas été là. Je sais pas ce que j'aurais fait. J'étais un peu surpris. Par la suite, on a lu le AC, qui était une improvisation. AC, les dinosaures existaient encore. Pas AC/DC. Non. Très bonne blague de ta part dans le match que tu as fait en onde. J'aime ça, réutiliser des gags. Et on avait ici les dinosaures existaient toujours. Deux improvisations assez drôles où d'un côté c'était comme si les dinosaures étaient au bar et de l'autre côté avec des petits bras évidemment. Ouais. Il se fait tout le temps commenter, voyons, tu sais, on a des petits bras, mais là, je suis pas juste une personne qui a des petits bras, je suis pas juste un dinosaure. Donc les contraintes physiques des dinosaures, le long cou, des affaires comme ça. Et de l'autre côté on avait comme si les dinosaures existaient mais comme toujours comme des animaux, sans aucune conscience, sans aucune comptabilité. Donc juste ils sont un zoo d'animaux. Ouais. Voilà un peu la Jurassic Park qu'on connaît à la télé. Hey boy, devait être chic. Ah c'était fun. Magnifique. Une de mes épreuves préférées du match, une étoile est née, qui était une impression entre Karine Perron et Samuel Fortin. Deux subs. Qui ont fait un impro où ils devaient juste faire une chorégraphie et qui tapaient du pied des mains. Bon. Oh, ça m'a fait. C'est pour vrai la première fois que j'ai pleuré de rire à la Luître cette année. Et c'était là avec deux subs. Oui, et ils sont bons les subs. Ça, c'est comme on dit, hein, je le répète encore, les subs ne sont pas moins bons, ils ne fitaient seulement moins dans le casting des équipes. Donc, une étoile aînée, donc c'était deux personnes qui faisaient juste une audition. Le concept est aussi simple que ça. Mais les deux, ça fonctionnait pas ensemble. Non. Et finalement, ils réussissent comme à s'entendre et arrivent les faux juges, qui étaient pas vraiment des juges finalement qu'on soit à la fin, et qui essaient de donner des commentaires, mais finalement, on sait pas c'est qui, ils sont pas pertinents. Et finalement, le revirement de situation de les deux étoiles qui se veulent qu'on dit, OK, faites-nous là votre chorégraphie. Ouais. Et là, c'est ça. Le quiproquo, les échanges des personnages, tout était là. Une improvisation. Par exemple, on aurait pu aller plus vite dans l'action. Tu trouves? Mais c'est ce que Marc-André et Marion Flamand a trouvé en donnant un retard de jeu de chaque côté. Ben, OK, peut-être, là, mais c'était quand même facilement une des improvisations les plus drôles de la saison. Puis, donc, moi, je considère qu'on n'est pas toujours obligé d'avancer dans les impôts. Il faut que la situation avance entre deux personnages, l'interaction et peut-être pas l'histoire. Les gags sont importants. Donc, Marc-André et Marion Flamand a trouvé que l'interaction des personnages n'a pas évolué non plus. C'est varié, c'est vrai. Et voilà, après ça, on allait à Journal Intime, qui était une catégorie que j'adore. C'est spécial, faut l'expliquer un peu. Faut l'expliquer. Dans le fond, exemple, on va le mettre en situation, Tania et moi, on est chacun dans une équipe différente. OK. J'écris dans un Journal Intime où je lis le Journal Intime de ton personnage. OK. Donc, tu sais pas ce que je vais te dire. OK. Et toi, tu vas lire dans mon Journal Intime. OK. Donc, après ça, les deux personnages que je t'ai imposés et que tu m'as imposés font une mix de 2 minutes ensemble. Oh boy! Et moi, ce que j'avais proposé à Félix Dugré-Lavron, qui ne jouait pas pour les Verts, c'était de faire juste « Bonjour ». Je m'appelle Jérémy. Je suis aveugle, sourd et muet et je suis un homme tronc. Mais j'ai réussi à me déplacer dans la vie. Et tu sais, juste le joueur de voir comment qui s'arrange avec ça. C'est l'impro où tu peux être méchant. Mais ça, ça aurait été une pénalité de, je sais pas, de rudesse. Ou... Mais non, il avait dit, Marc-André, maman, tu peux être rude, c'est le moment d'être rude. Ah, voilà. Mais tu sais, j'aurais dit, ok, peut-être pas muet pour lui donner une chance. Pour lui parce qu'il est homme tronc, il peut même pas mimer. Fait que genre, il est juste là. Wow. Pendant deux minutes. Fait que c'est une solo avec l'autre. Non, en tout cas, mon Dieu. Ça, c'est les bros. Mais on a eu deux personnages assez funky. Un personnage qui était juste un peu... Quand on aime les morts, j'oublie toujours le mot. Nécrophile? Nécrophile, oui, ouais, exactement. Donc un nécrophile qui avait enterré sa mère. Il fait semblant qu'il connaît pas le mot parce qu'il est lui-même nécrophile. C'est ça. Mon Dieu. Salutations à sa blonde. Et de là... Les morts! Bon, à 12 ans, nécrophile. Son téléphone sonne. Oui. Oui, ma mère est... Oh non! Okay. Ah. Mais non, donc, et de l'autre côté, on avait un personnage qui aimait beaucoup trop la vie, donc ça donnait une improvisation hors du commun. Bien fait ça, bien fait. Et l'impro littéraire, selon moi, il arrivait d'un voyage en Islande, oui. Jean-François Veilleux, et il nous amène la comparaison entre la Suède et le Canada, et le thème était vivre. Oui. Il a fait passer ça comme étant genre, aujourd'hui, je vous présente un livre suédois, ça va être totalement différent d'habitude. Ah, ça parle encore du Québec. Comme à chaque improvisation, mais c'est commencé par la SSJB, par Librairie Poirier, oui. Par les éditions... Le Québécois, le Drummondville. Il y a eu des matchs où j'ai fait justement des jokes avec le Québécois en faisant « Donnez-moi d'autres compagnies qui ont un jeu de mots avec des animaux. » Québécois. Les Québécois. Moi, j'imagine que c'est une ferme au début, mais peu importe. une voilière. Mais c'est ça. Donc, l'impro littéraire, vive. Très belle improvisation encore des deux équipes. Ça s'est vraiment joué au comptage, ce match-là. Il y a beaucoup d'impro qui auraient pu virer d'un bord comme de l'autre. Ben, c'est un match où Marc-André, c'était son premier match à arbitrer dans un bar à la huître avec les lumières et tout ça. Il a demandé des recomptages souvent et c'était rarement très proche, les deux. Non, non, quand même. Il y a deux impro où c'était pas très proche, mais il y a plusieurs impro où c'était très très proche, même qu'on a un recomptage. Oui, oui, tout à fait. Ça a viré de bord. C'est oui, rouge qui a demandé ça, il me semble. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose. Quand vous allez à l'impro, puis si vous votez pas la première fois, ne votez pas la deuxième. Ah, j'avoue, ça paraît, là. Tu sais, t'étais dans l'une, t'as pas réalisé qu'il y avait un vote. C'est comme, oh man, j'aurais voté pour les rouges. C'est comme, mais c'est clair, là, le vote, tout le monde a la main dans les airs. C'est ça. Point, donc, pensez-vous. Et on sait qui n'a pas voté. Et là, attention, je vais finir sur cette improvisation-là parce que c'est l'impro qui mérite de finir. OK. C'est l'impro défi d'équipe. Oh ouais. Là là là là. C'est aussi simple que tu donnes un défi à l'autre équipe. Et il doit faire l'impro. La contrainte que les verts ont imposée aux rouges était de jouer à tag dans l'impro. Oh mon Dieu. Et un peu à la peste, selon Marc Lachance. Parce qu'en Beauce, ils appellent ça la peste. En Beauce, ils appellent ça la peste. Ouais, c'est parce que. Arc, genre, t'as la peste. Ouais, fait que là, tu veux pas que je te touche? C'est comme avoir le scorbut, on pourrait jouer au scorbut aussi. Au scorbut. Non, donc. ça va devenir ça un jour, ça va jouer au sida, c'est pas correct. Franchement. Moi, mais non, mais là, c'est pas mieux que la peste. Non, attends, j'imagine que les années 30-40 devaient jouer à l'homosexualité. Ouais. Ah, probablement. La aussi. Lèpre, sinon. La lèpre. Ouais. Dans les années 0 à 10, ils jouaient à la lèpre. L'ITS. Dans les années 2100-2300, ils vont jouer à genre le non-technologique. C'est ça. T'as plus de technologie. Le Amish. OK, revenons à notre sérieux. Ils ont joué donc une sans limite d'espace avec la peste. Donc, le joueur qui possédait la peste, à la fin, faisait une 30 secondes dramatique sur ce qui venait de se passer. Et tout le monde pouvait aller dans la salle. Oui, c'était une sans limite d'espace. Il aurait pu s'en aller à... Moi, j'ai vu une sans limite d'espace où l'équipe a complètement amené le public en dehors de la salle. Oh my god! Donc, une sans limite d'espace, tu fais ce que tu veux. Cool. Tout le monde te suit. Donc, moi, c'est ce que j'ai. Fait qu'il faisait vraiment une visite de musée, mais complètement ailleurs. Wow! Fait que ça, je trouve ça cool. Donc, une sans limite d'espace, c'est ça. Et les joueurs couraient partout dans la salle. Et finalement, ils n'ont pas joué à la peste. Ah! Ils ont juste donné la peste à leur capitaine et il a fait deux minutes de. Dramatique. Ouais. Voilà. Et du côté des rouges, j'ai trouvé le défi hilarant. J'aurais voulu qu'il soit renvoyé. Aussi, tu sais, que le défi soit retourné au rouge. Comme okay. Étant le capitaine des Verts, j'aurais reçu ce défi-là, j'aurais redonné. Faire un impro à la manière des Verts, mais sans être eux-mêmes. Donc, Marc Lachance faisait Jonathan Picard. Jonathan Picard faisait Marc Lachance. Et Céline et Samuel faisaient Francis Dugré-Lampron. Oh donc faire un impro des verts à la manière des verts, sauf pas dans les bonnes personnes. C'est mais moi j'aurais renvoyé ça être Marc Lachance parce qu'il l'a nommé en deuxième, j'aurais dit ben j'allais faire vous aussi une impro à la manière des verts. J'avoue. Ça aurait été vraiment drôle. Donc, souvent c'est ça quand il y a des défis comme ça, l'autre vient s'inspirer du premier défi pour. Ouais. Ou bien jouer à. Vous avez pas le droit de dire ni oui ni non. Ouais. Sinon prenez une pune. C'est bon, ça. C'est très, très bon. C'est terrible jouer à ce jeu-là, sérieusement. Je imagine dans une improvisation. Imagine dans une impro. T'as 3 minutes, t'as pas le droit de dire ni oui ni non. Devant public. Devant public. D'accord. Alors que t'es jugé par tout le monde. OK. Excellent. Mais non, c'est ça, ça l'a fait rire, ça l'a fait décrocher. On a tout vu, on a tout entendu. Cette impro-là était le résumé du match. Une improvisation très pertinente et drôle du côté des Verts. Une improvisation sentie, vécue et un petit peu exagérée du côté des Rouges. Ça a été le résumé du match qui donne donc un résultat de 11-6 pour les Verts, qui sont les grands champions de la saison régulière. Écoutez, c'est, je pense que c'est la seulement deuxième fois de l'histoire que les Verts remportent la saison régulière. Ah oui, et ils n'ont jamais remporté les séries. Peut-être que ça changera cette année, hein, avec une première position au classement. Qu'est-ce qui peut se passer? Ils vont jouer contre la dernière position, le 3 avril, donc vert contre la position numéro 4. Donc, en fond, le gagnant du match de la semaine de retour de relâche, donc le 13, jouera contre les rouges. Ouais. Et le perdant du match bleu-orange jouera contre les verts, mais à la huître. Le classement est serré cette année, ça s'est joué sur des petites impros. Je pense que c'est seulement la deuxième fois qu'il y a un différentiel de plus que 4 dans un match cette année. Impressionnant. Oui. Et dans le fond, il y a 4 points de différence entre les deux scores. C'est ça. Donc un différentiel, c'est la différence entre les deux. Donc c'est la seule fois ou la deuxième fois, je pense que les bleus, on avait orange, il y avait un match comme ça aussi moins serré. Mais c'est la seule fois, je pense que ça dépasse 4. C'est la deuxième fois que ça dépasse 4 de la saison. Tu connais trop de statistiques. Voilà. On m'a dit quand j'ai commencé à l'improvisation, à animer la lutte, on m'a dit, tu sais, amène des statistiques. Je connais rien à ça. Tu me perds complètement, je n'en parle jamais de statistiques. Excellent. C'est plate pour moi. Donc les étoiles de ce match, je sais pas. Ah, t'es up pas? Ben non, je les ai pas. C'est la feuille d'en dessous. La feuille. Oh, ben oui! Donc, les étoiles. Non. Si t'es capable de lire. Les étoiles du match? Mais si tu passes le page, je vais te lire. Ben, je te passe ça. C'est important quand même. Donc, t'as raison, c'était pas la feuille d'en dessous, c'était mais l'autre. Mais je sais que Gabriel Béhoud, il y a Stellan, l'étoile de l'arbitre, mais l'autre. Je l'ai. Donc, Gabriel Béhoud, oui, l'étoile des rouges, l'étoile des verts, Samuel Fortin. Et voilà. L'étoile de l'arbitre, Stellan Dodier-Côte. Donc, 11-4 pour les verts. Ça, c'était le match de lundi soir à la Chasse-Galerie. Maintenant, pour le futur, un petit peu, le 6 mars, lundi. Oui, on reçoit un climax, on reçoit le collège La Flèche. On a reçu au début de l'année le cégep de Trois-Rivières. Mm-hmm. Maintenant, on l'a pendant privé au niveau du collégial. On reçoit le climax avec comme, je pense, capitaine de la formation, Maximilien Théberge, qui est l'ancien du Climax. Ah, ben voilà, ça a du sens. Et voilà, ça a du sens. Et un match durant la semaine de relâche, venez voir ça jeudi de la semaine de relâche, le 6, je ne m'abuse. 6 mars, absolument. Habituellement, les semaines de relâche, il y a deux matchs, mais là, il n'y en aura pas deux. Ça va attendre au 13 mars pour un match régulier entre les oranges et les bleus. Tu l'as dit, le dernier match régulier. Dernier match régulier. Et je pense que si vous n'avez pas encore vu jouer les oranges et les bleus ensemble, je pense que c'est le temps et le moment de voir un match où c'est vraiment une seule équipe. On s'est les fait dire par plusieurs personnes, les oranges et les bleus, on a un impro mix, des impro mix qui sont quasiment décomparés. Ouais. C'est deux équipes qui sont en vrai dans le même style, construction funky, mais dans des concepts un peu incroyables. On peut penser, par exemple, on parle passé au dragon de Komodo, des oranges, un peu les impro de pète, des bleus, puis de croustilles. Donc, ça se rejoint. Je pense que c'est un match qui va être une seule comparée et un match de partie de plaisir pour revenir de la mi-session. Je souhaite que vous soyez là. Ça, c'est le 13 mars. Le 20 mars, on a changé de calendrier. En fait, oui, on est rendu au mois de mars. Et il est à jour maintenant, vous avez le droit de vous y fier. Ça a juste pris 7 mois avant qu'on le mette à jour. Donc le 20 mars, ce sera non plus, on avait annoncé précédemment dans la saison, on avait annoncé le Seigneur de la Luître. Finalement, non, c'est pas ça. C'est le X-Men de la Luître. X-Luître qu'on appelle. Le X-Luître. X-Luître. Alors, c'est demi-finale 1 le 27 mars, 3 avril, demi-finale 2 et la grande finale sera le 10 avril. Le temps passe extrêmement vite, on est déjà presque aux 3 quarts de la saison. Et déjà, là, en intro-luître, vous allez être appelé aux demi-finales à voter pour votre coup de cœur du public. Absolument. C'est super important au niveau d'être impartial aussi, là, parce qu'on va se le dire, si vous voyez un joueur, vous avez vu juste un match dans la saison, votez pour celui que vous avez apprécié dans ce match-là et non dans le match que vous venez voir. Ouais. Parce que c'est pas voter sur le match que vous avez vu, mais sur ce que vous avez vu en général dans la saison. Absolument. Donc moi, mettons que je serais un public, je donnerais mon vote à celui que j'ai préféré dans toute la saison et non dans le match de la soirée même. Voilà. Voilà. C'est dit. C'est dit. On va avoir l'occasion d'en reparler de toute façon. En masse. Donc voilà, Xavier McLeish, tous les lundis à la Luître, c'est à 20h, c'est gratuit. Chasse-galerie. Chasse-galerie. Tous les détails sont là. Et sur la page uctr.ca/impro et la page Facebook La Luître. La Luître. Merci Xavier. Luître, L-U-I-T-R. Il n'y a pas de E. Là. Non, pas de H, pas d'apostrophe. Pas d'apostrophe, puis rien. Comme d'un seul bout. Voilà. Au retour de la pause, ce sera Alpha Alpha le lutin, ton grand ami. Ouais, je l'ai croisé deux fois, mais aujourd'hui, il doit être déçu en chien avec la pluie. Ouais, mais tu sais, il est petit, fait que j'imagine que ça en prend moins pour se pour nager, fait qu'il peut nager. C'est ça que ça veut dire. Ah, ok, ouais. Avec deux temps, là, il... Que j'ai... Oh, je pense que le train noir arrive! Oh! Oh! Oh! Restez là! On est mercredi, 1er mars 2017, elle est à Diabaudin. Et Mathieu Plante. Mmh, dans quelques instants, tantôt, on va avoir Alfalfa le lutin qui va venir nous parler de jeux de société et d'alcool. On a aussi Andréane Cartier qui va nous parler de deux événements différents, intercoupés par d'autres choses. Pour c'est comme ça la ségrégation des sujets. Mais avant ça, avant même de plonger dans tout ça, on va s'enseigner sur ce qui se passe autour de nous. Tournons la tête comme un hibou de tous les bords avec l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone le Campus. Tu étudies à l'UQTR et tu aimes utiliser une caméra? Le réseau de l'Université du Québec organise un concours de vidéos dont la date limite pour participer est le 19 mars. Des prix totalisant 13 000 $ sont à gagner. Pour plus de détails, rendez-vous sur Google et cherchez UQuébec concours vidéo. Avis à tous les étudiants qui aiment s'impliquer et faire une différence dans leur milieu. L'AGE UQTR lance l'appel à la candidature pour tous les postes au sein de son exécutif. Finance, vie associative, communication, vie académique, etc. Les formulaires sont disponibles au local 10-22 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. La date limite pour soumettre sa candidature, le 3 mars à 17h. La période de candidature pour la 19e édition du défi Ose entreprendre est lancée. Deux catégories sont disponibles, entrepreneuriat étudiant et création d'entreprise. Un total de 600 000 $ sera offert aux gagnants. Pour soumettre votre candidature, allez au www.oseentreprendre.quebec. Katia Pelletier, chargée de cours au département des sciences de l'éducation, offrira un atelier sur la nouvelle orthographe et ses nouvelles règles. L'activité aura lieu le mardi 14 mars de midi à 13h30 au local 2098 du pavillon Reggae de l'UQTR. Il faut s'inscrire au uqtr.ca/caf. Le professeur au département de psychologie, Dominique Gamache, et son équipe sont à la recherche de participants pour une étude. Il s'agit d'un test d'une durée de 35 minutes sur les traits de personnalité socio-indésirables. Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur Google et cherchez SurveyMonkey, ELSRP36. L'équipe de recherche remercie grandement les participants pour leur disponibilité. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Ferraud, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, celui par Tania Baudin. Merci, bien sûr. Merci. À l'Info Campus, c'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, à 6h30, 8h et 9h, ensuite midi et puis 18h, et ça repasse les vendredis à 11h et à 17h. Voilà. C'est comme ça. Vous êtes toujours à l'Assemblage Rocky. On a deux événements à partager avec vous, deux choses vraiment intéressantes, et c'est Andréane Cartier qui est là pour nous en parler. Salut Andréane. Bonjour. Ça va? Oui. Oui, une nouvelle habitude de l'émission, c'est ta deuxième fois. En fait, c'est ta deuxième et troisième parce qu'on parle de deux sujets différents. Oui, exactement. Alors, on va commencer par quelque chose qui est quand même cool, c'est côté exposition interdépartementale à la galerie R3 qui s'en vient. C'est un vernissage interdisciplinaire. Est-ce que ça s'appelle Kimea? Exactement. Kimea? Kimea? Oui. Ça veut dire quoi, Kimea? Ça veut dire alchimie en grec ancien. Oh! Ah, pour vrai? Oui, exactement. Ah, c'est on est cool comme ça. Et vous avez un distributeur de sauce tzatziki, j'imagine, pour aller avec ça. Non, on va avoir des bouchées. Non, des bouchées? Oui. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger et boire, comme la plupart des... On va pouvoir goûter. Goûter? Oui. C'est la différence entre manger et goûter? Nourrir. Ah. Se nourrir, goûter. Okay. Ah. C'est pas la même chose, la quantité de bouffe est pas la même. Ah, c'est ça. Une bouchée, c'est un plat à 40 grammes. Aïe. Ouais. Tu veux comme un cassé plein de choses. Oui, ben c'est ça. Les questions, on les pose, puis elle a tout de suite la réponse. Elle sait ce qu'elle fait. Donc, ça se passe vendredi à 15h30. Cet événement-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la rencontre entre le département de regardez ça, groupe de recherche de signalisation cellulaire, le laboratoire de recherche Le Loricor et le département de philosophie des arts. Qu'est-ce que ça fait? Yeah. C'est en fait des scientifiques qui ont rencontré des artistes. Donc, les scientifiques ont exprimé leur sujet de recherche, les ont développés, les ont vulgarisés surtout aux artistes. Les artistes ensuite s'en ont inspirés, ont produit des œuvres qui vont être vernies vendredi dès la clôture du... de la rencontre scientifique. Mmh. Vous appelez ça un événement éphémère, donc j'imagine que ça ne durera pas longtemps. Non, c'est en fait une journée. C'est très éphémère. Donc, OK, juste une journée. Oui, suite après la conférence qui va commencer à 3h30, le vernissage va commencer et va se clore à 7h30-8h. Quel genre de conférence on parle? En fait, les trois responsables des départements vont se relancer sur la question de la recherche qui est comme un tronc commun aux trois départements. Wow! Quand même. Ça dit tout, mon Dieu. Ouais. C'est rapide comme information. Donc, désolé. Tu disais que les gens qui participaient sont dans différents domaines, donc chacun va apporter, j'imagine, sa couleur différente à ça. Oui, exactement. Mais en fait, au niveau du groupe de recherche signalisation cellulaire, qui est dirigé par Marc Germain, il y a des gens qui étudient sur le sida, sur le cancer, sur les maladies dégénératives. Okay. Ils sont au niveau cellulaire, donc ils sont vraiment avec les microscopes, les souris, tout ce qui est l'expérimentation, vraiment ce qui est scientifique puis laboratoire. Comme on voit dans les films, moi je suis allée rencontrer plusieurs fois Marc Germain, puis ça me fascine encore à chaque fois. C'est un monde à découvrir, puis il va être mis en lumière pendant cette soirée-là grâce aux œuvres des artistes du Benjamin Sult. Mm-hmm. Comment est-ce que vous les avez invités? Est-ce que c'est des gens qui se connaissaient déjà ou est-ce que vous avez essayé de matcher ça ensemble? En fait, c'est Johanna, mon petit blanc, puis Marc Germain qui ont démarré l'initiative. Mm-hmm. Donc eux, ils ont proposé ça au groupe d'art. Ensuite, on a procédé à une conférence où on a développé les différents sujets qui étaient mis à disposition des artistes. Les artistes étaient invités à venir, les scientifiques étaient là. Donc, ça a vraiment été de l'humain à l'humain. C'est un principe de jumelage très archaïque. Là. Ils se sont rencontrés, ils se sont trouvés gentils, puis ils ont débuté des projets ensemble. Ouais. Ça se passe à la Galerie R3, qui est au pavillon Benjamin Sud. C'est ouvert à tous? Oui, exactement. Et c'est gratuit. C'est gratuit en plus. Tu l'as dit, il y avait des petites bouchées de moins de... 40 grammes. C'est des notions de restauration. Non, tu as vraiment travaillé dans un restaurant? Oui, j'ai 15 ans d'expérience en restauration. Je suis cuisinière. Wow, ben félicitations. Ouais. Ça, je suis comme impressionné. Autant d'une pointe. Ah ouais? J'ai mangé là, il y a un tartare de bœuf. Ah, il est tellement bon avec les corps frits, c'est tellement accessible. Ah, je sais. Quel addon, j'ai mangé ça hier soir. C'était impressionné. C'était là hier. Ça, t'es énorme. Ah, excuse-moi, je t'avais pas allumé. Mais moi, j'aurais... T'étais à off. Non, je... Allô? Allô? Allô? Allô? On t'entend. Bonjour. Okay. Allô? Mais non, mais j'aurais aimé ça manger un temps d'une fête aussi. Là. Ah, mais t'avais qu'à venir à Woosley, mais c'est payant, par contre. Hein. OK, non, mais on pourrait s'ouvrir un petit poêle dans le coin, puis la semaine prochaine, tu viens nous cuisiner. Ouais. On a une chronique culinaire, grosse pointe d'adresse, les jeudis matin. Je peux toujours être là. Tu peux toujours être là. Plus de nourriture. Tout le monde va être là. Plus que 40 grammes. Je vais prendre plus que 40 grammes si j'en mange pas, ça, exactement. C'est sûr. Bref, on l'a dit, donc c'est à la Galerie R3. Ça va être... est-ce que tout l'espace va être utilisé pour ça? Comment est-ce que ça va être visuellement... Oui, en fait, je suis commissaire pour l'exposition, fait que je me suis arrangé qu'il y ait un parcours dynamique puis intéressant avec l'aide de Lorraine Beaulieu, qui est la directrice de la galerie. Mm-hmm. Donc oui, ça va être super dynamisé parce qu'en fait, il y a plusieurs disciplines qui vont être mises au profit de l'art. Donc il y a de la projection, il y a de l'impression, il y a de l'installation. Il va y avoir aussi une performance d'Erica Lebrun qui va débuter à 5h30. Ça va être magnifique. En fait, l'art actuel va être vraiment mis de l'avant avec toute sa pluralité. Oh. Tu dis qu'il y a une conférence d'ouverture avant l'exposition. En fait, ce qu'on va présenter dans ces conférences-là, c'est vraiment quel était le projet avec les trois têtes d'affiche. Oui, exactement. Exactement, oui. En fait, c'est qu'on veut qu'il y ait récurrence à chaque année. Donc, cette année, c'est le projet pilote. C'est la première fois qu'on va le réaliser. Donc, on veut le diffuser autant au niveau du rectorat et de toutes les hauts placés universitaires. Donc, c'est là qu'on les invite sous forme de conférence à, en fait, dévoiler un peu le projet sur lequel on travaille depuis deux sessions. Mmh. Donc, ça, c'est vendredi. Exactement. À 15h30 pour la conférence. 3 mars. Pour le reste. 3 mars, oui, bien sûr. 3 oui. mars. On est entré dans le mois de mars. Ça va bien. Jusqu'à 20h, quand même. C'est un beau morceau de votre journée, mais vous allez être divertis. À souhait. Ça va être excitant. Mais est-ce que l'exposition, tu dois arriver 4h à 4h et partir à 8h ou c'est un parcours qui se fait quand même assez rapidement? Oui. Mais en fait, ça se fait pas assez rapidement dans le sens où ça va être beaucoup trop intéressant pour que tu le passes en 15 minutes. Exact. Mais oui, on n'est pas obligé d'être là à la conférence. Okay. Ça va juste aider, je pense, à comprendre certains sujets, certaines problématiques qui ont été encourues pendant la recherche et quoi que ce soit. Tu sais, de savoir ce qui se passe parce que c'est pas juste des œuvres qui sont là, qui ont été créées pour être créées. Il y a carrément un partenariat. Fait qu'il y a quelqu'un en arrière de ça qui est un scientifique qui a donné des informations à un artiste. Mm-hmm. Puis là, il y a une traduction artistique qui s'est produite. Donc, des fois, être là à la conférence, ça va nous aider à plus concevoir ce travail-là. Aussi, les sujets qui sont super diversifiés, parce que j'ai pas parlé beaucoup du laboratoire de l'ORICAR. Je vais vous le dire en long et en large. L'ORICAR, c'est le laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les troubles du comportement alimentaire en lien avec la réalité virtuelle et la pratique physique. Simple de même. Boum. Ben oui. Finalement, l'ORICAR, c'est vraiment un beau mot. Oui, moi, j'aime beaucoup l'ORICAR, mais il faut l'expliquer quand même. Fait qu'il va y avoir autant scientifique qu'au niveau de la recherche, qui est plus du registre scientifique, cellule et tout ça, puis il va y avoir la recherche au niveau psychologique et tout ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Absolument. C'est malade. Et c'est vendredi, 3 mars. OK, oui. Voilà. Yes. Merci, Andréane. Yay. Yay. Super. Les informations sont sur la page Facebook. Vous pouvez chercher Vernissage interdisciplinaire Kemeia. Donc, c'est K-H-E-M-E-I-A avec des trémas sur le I. On va poster évidemment la page sur la page d'Assemblage Requis. Donc, partageons ça. Partageons la bonne nouvelle. On va garder Andréane pour qu'elle revienne tout à l'heure nous parler d'une activité de roller derby qui s'en vient dans un autre domaine complètement différent. Donc, on va faire comme si c'était une autre Andréane Cartier. Complètement différent. Écoute. C'est pas la même. C'est pas la même. Mais non, du tout. Mais avant ça. On va retourner à notre ami, enfin, on va l'accueillir parce qu'on lui a parlé hors ronde, on lui a pas parlé dans les micros, hein. C'est Alfalfa le lutin. Allô? Salut Alfalfa. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oh, ça va pas si pire. Oh, Colin, c'est le fun de te voir. Comment ça, pas si pire? Ben là, la neige est en train de disparaître. Oh. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'ici, il y a 4 saisons. Ouais, ça, je le sais. Les pneus, tu connais ça? Les quoi? Les pneus. Les pneus. Est-ce que vous avez des pneus sur vos... Non, c'est des lames. Comment t'appelles ça, moi? C'est sur le chariot du Père Noël? Mais non, c'est des lames. C'est des lames? Ah oui. Des lames, tu pourrais faire du patin, mais ben... pas du roller derby. Je sais pas c'est quoi le roller derby. Mais il faut qu'on t'apprenne tout, hein. T'as tellement de choses à apprendre, Alpha. Ben là, moi, je passe ma journée dans une usine à goûter des bonbons, je sais pas... Est-ce que c'est des dégustations de bonbons moins de 40 grammes? Ah, c'est clairement moins que 40 grammes, c'est un par sorte. Oh. Ah, une gramme par sorte? Non, mais un petit bonbon, là, si c'est okay. Des bonbons bananes. C'est pas de la drogue. Là, c'est my God! Est-ce que t'as écouté tantôt, on a sorti un conseil là, par rapport à comment déterminer quel chocolat était de quelle saveur dans une boîte de chocolat? Ben, avec les images. Avec la forme. Non, les, si t'as pas les images. Ah, tu m'enverras le lien? Ouais, je vais faire ça. Wow. Alpha, alpha. A-L-F-A-L-F-A. Alpha, alpha. Tu sais, éplé. Oui, c'est éplé. Wow. Vous avez pas mais il est vieux quand même. Oui, j'ai 245 ans. 245 ans de lutin. Bien sûr. Oui. Mais est-ce que vous avez des. Est-ce que vous allez à l'école, les lutins? Ben oui, on a des bacs. OK. On a des bacs en selon nos. Comme vous dites ici, on a des diplômes universitaires selon notre profession. Comme moi, c'est en confiserie. OK. Okay. Il y en a qui vont l'avoir. On avait dit, on avait parlé l'autre fois des lutins qui avaient des pompiers. Il y avait des lutins. Il y avait des lutins qui ont toutes les. Il y a des DEP, là aussi. C'est pareil là. Comme les Schtroumpfs. Excuse-moi, je voulais pas t'insulter. Est-ce que c'est pareil comme les Schtroumpfs? Ben, je sais pas si c'est quoi les Schtroumpfs, mais j'imagine que oui. OK. Schtroumpf gourmand. Vous créez pas de jouets de Schtroumpf? Ouais. Non. Ouais, ça a pas de sens, là. Vous créez pas des jouets de Schtroumpf, Alfalfa? Des Schtroumpfs. Tu devrais savoir ce que c'est. C'est la petite bonhomme bleu? Oui. La petite bonhomme bleu. Ouais, ben ça, c'est la Schtroumpfette. On les appelle comme ça, souvent. La petite bonhomme? Ouais. Elle avec les cheveux jaunes. C'est ça. Ça, c'est des Schtroumpfs. Je pense que. Ils parlent pas par chez nous, c'est des figurines. Ouais. Ah, ok, ouais. Est-ce que tu penses que la Schtroumpfette est blonde, comme jaune dans ses cheveux parce qu'elle fume beaucoup? Ah, peut-être. Et peut-être parce faudrait que. Poser. Est-ce que ça soit ton micro? C'est peut-être ton micro, la Schtroumpfette. Ton micro, une mouche jaune. Oui. C'est ça. Clairement. Ouais, c'est très, très, très. Et là, cette semaine. Oui, je sais vraiment pas où c'est ça. On parle de jeu de société avec toi. Mais oui. Et oui, et je vais commencer cette semaine avec mon petit jeu. Petit, tellement petit qu'il faut que tu regardes comme faut pour le voir sur l'étagère parce qu'il est vraiment minuscule. Ça s'appelle Complot. Mais toi, en tant que lutin, tu dois le voir comme de grandeur normale. Oui, mais je me rends pas. Non, tu te rends pas jusqu'à ta tête. Oui, c'est ça. Hein? Donc, c'est ça le complot. Le concept est entre le jeu de stratégie et le poker. Ouh, le poker! Eh oui. Donc, on possède chacun 2 cartes. Ça joue de 4 à 8 joueurs. Okay. À 8 joueurs, ça commence à être une longue game. C'est une popée game. Oh, assez. Et chaque carte possède un personnage. Okay. Donc, que ce soit un ambassadeur, un inquisiteur, la reine, peu importe le personnage. La petite Schtroumpf. Et ils ont tous un pouvoir. Et le but est d'éliminer les personnages des autres, soit en disant qu'ils bluffent, parce que les personnages sont face cachée, soit en les tuant avec de l'argent. Et mon. Et les personnages. Tout en même, ça marche, hein, si tu veux que quelqu'un ait de l'argent. Oui, c'est un peu ça, c'est des complots. OK. Donc le but. Et tu sais qu'il y a 2 personnages identiques de chaque dans le jeu. OK. Donc, si moi j'ai. Je dis exemple, la reine permet d'aller piger, ça prend 10 pièces pour tuer un personnage. OK. Je dis, je mets ma main sur ma carte que j'agis avec et les face cachées toujours. Donc, je dis, okay. Grâce à ma reine qui est ici, je prends 3 pièces. Ah oui. Et là, si toi t'as 2 reines dans ton jeu, tu sais que ça ici, c'est pas une reine parce qu'il y en a juste deux dans le jeu. Oui. Là, tu peux dire, mais je pense que tu bluffes. Et là, mon personnage est mort. Malaise. Cependant, il y a des personnages qui permettent de ramener des joueurs. Parce que là, soit tu vas piger au milieu. Dieu. Non. Et je pense que c'est le gouverneur qui permet de ramener des cartes. Okay. Donc, okay, tu piges deux cartes et t'en choisis une. Donc là, tu veux dire, avec mon gouverneur, j'ai obligé de cartes, mais est-ce que j'ai vraiment le gouverneur? Oh. Et là, ça vient un jeu qui est hyper compliqué, et il faut toujours se rappeler de qui est rendu où. Et là, tout dépendant de qui a assez d'argent pour tuer, va gagner, ou si lui qui est le meilleur bluffeur va gagner. Mais tu peux des fois jouer pour vrai, alors parce que t'as vraiment une reine et tu veux vraiment avoir beaucoup d'argent. Et là, tu tues quelqu'un. Et là, Tania se rappelait plus que c'était ma reine. Parce que les cartes n'ont pas... OK. Vous avez pas là d'échanger vos cartes de place. Okay. Le concept du jeu, c'est que les cartes sont toujours les mêmes et tu parles toujours avec tes mêmes cartes. Okay. Donc, un tour, je peux dire que c'est une reine et que je bluffe. Et le tour d'après, je peux dire avec la même carte que c'est un gouverneur. Mais là, c'est la vraie. Mais, donc, parce que, mais là, tu dis, ah, mais non, t'avais une reine. Et là, je l'ai revu, c'est un gouverneur. Et là, tu viens d'être floué. Oh. Alors, il faut mais jouer. Est-ce que toi, si tu te trompes, le mettons, là, je dis, OK, je pense que tu bluffes. Oui. Est-ce que si tu me dis, non, non, c'est vraiment ma reine, je meurs ou je perds une carte? Oui. Oh mon Dieu! C'est fun! Okay. Fait que là, c'est comme un jeu qui est hyper mental, mais en même temps, c'est aussi simple que j'ai 10 pièces, ben lui est mort. Mais tu joues avec des pièces qui viennent avec le jeu. Oui. Tu pourrais jouer avec de la vraie argent. Ben, c'est un peu bizarre, là, parce que tu gagnes pas vraiment d'argent, parce que c'est la dépense pour tuer d'autres mondes. Ouais, c'est ça. Mais l'autre personne pourrait garde faire de l'argent. Garde ton argent dans tes poches. Ouais. Non? Tu peux jouer avec des dés, si tu veux, ben, mettons 30 dés au milieu, puis dire je prends 3 dés, mais c'est mieux que des pièces. Je sais pas, tu connais pas ça le gambling, toi, en tant que lutin. Voilà. Hein? C'est ça. Et, jouer avec des jetons de casino. Ouais. Et là, je vous avais demandé si vous filiez plus été ou printemps ou automne, parce que je disais qu'il y avait 4 saisons, donc je les ai appris, puis il y a l'hiver qui est comme la plus cool. Oui. Et, ben là, moi, j'ai proposé une bière qui est été. OK. Elle s'appelle California. Ouais, elle vient de la brasserie du Trèfle Noir. OK. C'est une bière blonde, un peu, je dirais, à l'américaine. Il y a un petit peu d'ajout de jus, je pense, dans cette bière-là. Un ajout, donc. Non, mais c'est que c'est une bière qui est blonde, première étape. Oui, oui, oui. Donc, qui est à l'américaine, donc à les bières classiques américaines. Mais je pense qu'ils ont ajouté un petit peu plus de fruits, de jus à l'intérieur pour qu'elle soit fruitée, qu'elle soit plus... incroyable. Au nez, on sent vraiment un gros, une grosse odeur de citron. On sent l'amertume... On sent qu'elle est là. Mm-hmm. Et donc... Est-ce que tu l'as goûté? Là, oui, j'y ai goûté. Le lutin, il boit comme ça de l'alcool? Puis, On dit hey, moins de 40 grammes. Il travaille dans la confiserie, là, il a le droit on prend moins de 40 grammes. Goûter. C'est dégustation. Et du chocolat avec un petit peu d'alcool dedans, le brandy et tout ça. Mmh. Mmh. Il y a juste la mademoiselle là qui a ri ma blague. Ouais. Mais on l'a tous compris. Je pense qu'on a un bon public. Excellent. Donc, Quoi? Calme-toi. Là, bon, OK. Au feu? Donc, au feu, c'est un ancien jeu que j'ai présenté, ça, tu savais? Oui, je me rappelle. Oui, okay. Oui, on se souvient. C'est le jeu le plus cool et le plus compliqué au monde, mais le vraiment le plus fun. Donc, c'est très aromatique, c'est très doux, c'est une bière assez amère. Avec un petit peu d'amertume. Oh, ouais. Avec, avec beaucoup d'amertume, même parce qu'on dit. Éviter le problème de l'adjectif ici. Oui, exactement. Très amertumé. Très amertumé. Très amertumé. Donc, c'est ça. C'est, ça a beaucoup d'amertume, cette bière-là. Et c'est très bon. Je l'ai trouvée très bonne. Sûr que ça fit un peu avec les bières que j'ai présentées la semaine passée, mais ouais. Oui, avec l'été. Agrumes. Avec, voilà, avec l'été qui s'en vient et avec la neige qui fond. Oui, il manque juste un petit peu de soleil. Mais là, moi, la semaine prochaine, je pourrais pas être là. Ouais, comment ça? Mais, parce qu'on a une grosse semaine de production, puis comme on avait dit, là, on s'en va à Cuba après. Fait que là, je serai pas là. Fait que. Les vacances annuelles des lutins. Mais oui, c'est la semaine où le Père Noël est avec sa barbe blanche puis un maillot rouge. Oh, ben chic. Oui. C'est son seul vêtement. On sa barbe blanche. Ne pas avoir de photos de ça. Ouais, c'est vous. Voulez-vous que je la mette sur ma page Facebook? Tu peux. En passant, oui, on le dit, hein, mais Alfalfa, le lutin, a sa propre page Facebook. A-L-F-A-L-F-A, oui, on le rappelle. A-L-F-A, le lutin. Alfalfa, le lutin. C'est voilà. Magnifique. Pour revenir sur la semaine passée, je crois, t'as acheté le jeu de Zach et Cody, truc, là. Comment Zach et Pac. Zach et Pac. Zach mais non, mais. En fait, c'est que j'achète tous les jeux que je présente, mais celui-là. Je l'ai comme acheté plus que les autres. Oh wow. Comme il en restait plus, là. Ah, OK. Comme je l'ai fait commander. Oh. Wow. Comme parce que le Père Noël, t'en as fabriqué. Non, c'est vous autres, les lutins, qui fabriquez les jeux. Non, pas celui-là. Celui-là, il vient de Chine. Okay. Des lutins de Chine. C'est un concept allemand. OK. Développé en Europe. Ouais. Puis fabriqué en Chine. Wow. Mais distribué aux États-Unis. Mais comme t'as des contacts. Mais comme j'ai des contacts, tiens. Donc j'ai développé. Fait que c'est ça. Zach Epak est peut-être pas nécessairement disponible présentement. Parce que tu l'as pris. Parce que c'est moi qui a fallu qu'il fasse la commande assez loin. Donc restez à l'affût, commandez-le par internet, trouvez le moyen, mais il vaut la peine d'être acheté, même s'il est pas nécessairement disponible pour le moment. Il envoie peut-être une commande nationale, internationale au mois de mars. Mais tu sais, c'est sûr qu'à l'année longue, là, pour pouvoir fournir les magasins, là, le Père Noël, il y a des sous-traitants, et oui. Oui, c'est ça. Ouais, mais surtout la semaine prochaine. Ah, c'est ça. Surtout que ça va se faire griller à la barbe. On a parlé d'eau feu. Oui. Oui. J'avais dit qu'il y avait une possibilité d'extension incroyable. Oui. C'est chose... Oh, mon Dieu, ma voix. Tu parles vraiment très fort. C'est chose faite. Oui. Oui. Les extensions sont sorties. Ça ressemble à quoi? Il y a des... Donc, ils ont acheté un bloc appartement. Un gym de... Donc, concept d'eau feu, je rappelle, on est des pompiers qui doivent éteindre un feu dans un lieu. Et le feu se propage, il y a des explosions, et ça, on n'est plus le feu. On doit sauver un nombre de victimes, voilà, rapidement. Mm-hmm. Et on est en coopération et non en compétition. C'est un jeu qui était super le fun pour la famille. Et là, ils ont ajouté une salle de gym comme plateau de jeu. Ils ont ajouté un bloc appartement, donc sur deux étages. Ouh. Donc, le feu se propage. De wow! Et ils ont aussi ajouté des nouveaux personnages avec des nouvelles capacités. Donc, pour rendre le jeu vraiment plus difficile et vraiment plus le fun. Mais ils n'ont pas encore créé le mur pare-feu. Pour que tu te sois obligé de sortir toujours par l'extérieur parce que le mur est indestructible. Mais j'imagine que ça s'en vient dans des futures expansions. Ben oui. Donc, aujourd'hui, trois jeux. Et voilà. La page Facebook va être garnie. Oui, et j'ai oublié de mettre Zach Epak la semaine passée parce que c'était une session très, très difficile. Comme je disais, on est en grosse production présentement. Oui. Et juste avant la fameuse relâche. Donc, tout ça va sortir d'ici normalement à la fin de la journée. Super. Et on te retrouve donc dans deux semaines. Dans deux semaines. Alpha, lui dit merci. Ça fait plaisir. Fin, gars, ça. Oh. Et je vais retourner voir le Père Noël. Il m'a l'air sur toi, mais il doit mouiller un petit peu. OK, tu diras salut notre part. Hein. OK. Bye. Bye. On écoute, tiens, on a parlé de Californie tantôt, de California dans la bière. Donc voici un extrait de ton choix, Tania. Ben oui, c'est Phantom Planet. California. Assemblage requis. On the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war, gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California. California. California Phantom Planet. On se croirait à Newport. Oui, exactement. Les adeptes de DOC. Ils connaissent très bien. Voilà. Maintenant, on accueille Andréane Cartier. Oui, la même que tout à l'heure, mais pour parler d'un autre événement. Salut, Andréane, qui vraiment, là, elle commence à aimer ça, je pense. Je pense que oui, je pense que c'est ça qu'elle vient. En fait, là, on est là pour parler vraiment de son projet de passion, là, de sport, de roller derby. Yay! Initiation au roller derby qui s'en vient, c'est ce soir même. Yes. Où ça donc? Au 10-12. Au 10-12. Dans le pavé universitaire. Roller derby, pour ceux qui ne connaissent pas le sport du roller derby, là, premièrement, bienvenue en 2017. Oui, c'est ça. C'est quoi du roller derby? En fait, c'est un sport qui se fait sur roulette. Des patins en rétro. Chaise? Ouais, non, des patins rétro. Là, ouais, rétro. Pas des rollerblades, des patins quoi. Donc, tu sais, les deux paires de roues, une à côté de l'autre. Ouais. C'est un peu comme le football. Il y a une équipe offensive puis défensive, mais on joue tout le temps en même temps, ces deux côtés-là. Nous, on n'a pas de ballon. C'est une personne qu'on va appeler la jammeuse qui est identifiée avec un casque, avec une étoile. Donc, dans le fond, moi, en tant que bloqueuse, je dois essayer de bloquer la jammeuse de l'autre équipe pour pas qu'elle fasse de points, tandis que je dois aussi en même temps favoriser ma jammeuse pour qu'elle en fasse. La jammeuse va faire le nombre de points, le nombre de gens qu'elle dépasse. OK, cool. Ouais. Derby comme dans un Demolition Derby, là, s'il y a de la violence là-dedans, est-ce que ça se fonce dedans pas mal? C'est clair, il y en a qui saignent du nez, hein, en sortant de là. Mais en fait, c'est un sport full contact, parce qu'on est équipé au complet. OK. Faut juste pas penser que c'est un sport barbare, parce que c'est autant technique, de ruse, puis de finesse que le football peut l'être. OK. Oh. Donc, est-ce que vous êtes des adeptes de foot? Ouais. Ben, moi, je trouve ça beau à regarder, mais je suis nulle. OK. Là, je te comprends, c'est beau à regarder. Mais c'est parce qu'il y a vraiment des préjugés par rapport à ce sport-là, comme quoi. On fait juste se taper sur la gueule, mais en fait, avant de se taper sur la gueule, on essaie de passer. Ouais, c'est ça, de gens partant. Ouais, stratégie, là, quand même. Oui, absolument. En fait, il y a plein de stratégies qu'on apprend au niveau de la diversion, des tactiques de jeu de pied. Il faut quand même essayer d'éviter des gens quand on est jammeuse. Moi, personnellement, en tant que bloqueuse, je dois bloquer des gens. Je dois faire des diversions. Il y a plein de choses qui sont mises en cours, autres que juste se foncer dedans. Oui, on est full équipé parce qu'on peut tomber. On est sur des roulettes comme le skate, là, c'est dangereux. C'est ça, puis c'est pas du gazon, c'est de l'asphalte. Fait que ça fait mal. Mais c'est ça. Puis c'est ça, on a une ligue à Trois-Rivières, puis en fait, on veut la diffuser. C'est pour ça qu'on a fait une activité d'initiation. Et on s'est acheté une flotte de patins, puis on a trouvé par-ci par-là dans les sous-sols d'église du matériel de protection. OK. Nous autres, nos coachs sont hautement qualifiés. Une de nos coachs, elle joue pour Montréal. OK. Personnellement, elle m'impressionne tellement. Ouais. Fait que, on va tout être là ce soir pour justement initier les gens. S'il y a des gens qui veulent venir en rollerblade, juste faire du patin libre. Allô, okay, on aime ça. Okay. L'idée, c'est vraiment, c'est que nous autres, on aime ça patiner. Fait que si on peut juste multiplier les heures de patin qu'on peut faire, on rit. Puis si on peut initier les gens à notre sport, pas au niveau genre de contact et tout ça, mais juste de la position, comment patiner avec ces patins-là sans se casser la gueule, c'est déjà un exploit. L'équilibre, tout ça. Fait qu'on propose aux gens vraiment comme un style de roulatec où ce qui va avoir une initiation pour les gens intéressés à notre sport. Parce que c'est ça, la ligue est à Trois-Rivières puis elle recrute en ce moment des gens. Seulement les filles ce soir ou des gars aussi? Non, notre ligue est mixte. OK. Ouais. Donc n'importe qui peut venir. Puis si j'ai jamais fait de roller derby. Exemple. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On genre, je me fais ramasser au fond de la salle du 10-12. Non, absolument pas. En fait, on va le faire sous forme de discothèque, le okay. Roulatec, en fait. Fait qu'on va tourner en rond. OK, cool. Puis le rond va être dans le milieu. Fait que s'il y a des gens qui sont moins à l'aise, on va se mettre au côté pour comme initier la personne à pas se péter la gueule avant de patiner un peu. Ouais. Puis comme je vous l'ai dit, moi, je fais ça toutes les semaines. Ma coach en a fait depuis plusieurs années. Toute mon équipe va être là pour initier les gens. Donc, on va parrainer chaque personne qui veut s'initier à ça. Parce que on veut que ça reste dynamique et intéressant et pas frustrant et blessant. Et il va y avoir 2-3 ambulances à côté du pavillon, si jamais il y a de quoi. C'est au 10-12, mais c'est le même 10-12 que d'habitude. Il n'y aura pas d'arène spéciale. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de... Non, on va jouer sur le plancher. En rond, exactement. On va des fois, on voit le roller, des fois, avec les pentes sur les côtés. Là. Oui, mais nous autres, au Canada, c'est du flat track. Ah, ouais, au Canada, au complet, on a les règles différentes. Ben, en fait, c'est ce que c'est juste jouer aux États-Unis, ce style-là, avec les rampes. Ouais. Ben, en fait, parce qu'il faut avoir une rampe, hein. Ouais, ouais, ben, c'est ça. Ouais. Fait que, on pourrait jouer au Canada. Ben, je sais pas, peut-être qu'il y en a au Canada. Je prends à Toronto. Je pense que dans le coin de Toronto, il y en a. Ça se pourrait. Ça sert à quoi? Ça sert à prendre la vitesse, ça? En fait, c'est le style rétro qui était comme ça à l'époque, okay. Qui était le plus vraiment dirigé vers la lutte. C'est pour ça qu'il y a un gros préjugé envers ce sport-là. Parce qu'avant, c'était comme de la lutte. C'était un showtime, puis c'était prévu, puis c'était tout acté, puis les filles se pétaient la gueule avec aucune protection. On est resté avec ce stéréotype-là, puis c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est un sport qui est international, qui a des règles, qui a des manières de procéder et tout ça. Donc, nous autres, dans le fond, on veut diffuser ça. On veut... C'est vraiment le fun à faire. Moi, je capote. Ouais, j'ai du plaisir à faire ce sport-là. Puis là, tu vois, des fois, on appelle dans des gyms pour avoir de nouveaux places pour faire notre sport. Puis les gens sont là, hey, c'est illégal au Québec. C'est comme, allô, non. Les gens te sortent ça comme si c'était un fait. Hein? C'est illégal au Québec. Hein? Oui, c'est un fait. Ils sont au courant, eux autres, c'est illégal. Ils ont appelé le gouvernement, c'est un fait. Aucun doute là-dessus. Ça. Ouais. Ouais. Les gens, ils savent pas de quoi ils parlent. Fait qu'il y a des coquillés ça. Là. Est-ce qu'on doit amener nos propres patins rétro ce soir? Ou... Non, c'est ça. Nous autres, on s'est garni d'une flotte de patins. Okay. C'est sûr qu'on a des dimensions variant, mettons, de 6 à 10, 9. Mm-hmm. De filles? Ouais, de filles. Ben ouais, oui, c'est comme les patins de sorcières, là, t'sais, les vieux rétro bottines. Ouais. Non. OK. Non. Parce que le sport a évolué, les patins sont vraiment rendus différents. Nous autres, ce qu'on a, c'est vraiment la vraie chose qu'il y avait dans les années 70. Old school, ben oui. Oui, exactement. Ben, pour initier les gens, c'est sûr que nous autres, habituellement, quand on fait des initiations, on prête notre stock. Donc, si moi, je vois quelqu'un qui a la même grandeur de pied que moi, je vais enlever mon équipement, je vais y prêter, je vais l'assister dans ce qu'on va faire. Les gens n'ont pas à investir pour venir se présenter. Non, c'est gratuit. Nous, on veut vraiment juste que le monde découvre ce sport-là. C'est parce qu'on veut juste plus d'amis pour pouvoir plus le faire souvent. C'est ça, exact. Fait que, c'est comme un gros party. On peut vous suivre sur Facebook aussi, j'imagine. Oui, exactement. On a une page Facebook, c'est Roller Derby 3R. Okay. On diffuse des fois nos pratiques où on a beaucoup de fun. Oui. C'est de quelle heure à quelle heure ce soir? C'est de 5h à 9h. 5h à 9h. Mon Dieu, 4h! Mais nous, on aime ça patiner vraiment longtemps. Okay. Vous êtes les 4h encore, là? Non, pas du tout. Vous pouvez venir. Anyway, je vous mets au défi, c'est cardio comme sport. Okay. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je suis capable de faire 4h. Vous, l'êtes-vous? C'est la question qui tue. Donc, ça se passe au 10-12 ce soir. C'est à 17h, mercredi 1er mars. C'est votre seule chance de participer à cette activité-là pour l'instant. Oui. J'imagine qu'il va y en avoir d'autres un jour si les gens veulent Mais en fait, toutes suivre. Nos pratiques sont ouvertes à chaque mercredi le soir. OK. Ouais. C'est vraiment cool. On a juste déplacé notre pratique en fait au 10-12 pour avoir un plus grand bassin de personnes qui puissent une grande visibilité en fait. C'est où habituellement? C'est à côté du Percé, en dessous de l'église. On se pratique dans un sous-sol d'église. Sur Saint-Maurice. Exactement, exact. C'est les Sept Allégresses, je pense, le nom de l'église. Ouais, c'est ça. Ah, c'est... Nous, on fait ça dans le sous-sol. Wow. Mais quoi? Il n'y a rien là. C'est communautaire. Faut bien que ça c'est magique. Exact. Faut bien que les églises servent à quoi. Oui. Donc, Roller Derby ce soir, mercredi 1er mars, 18h au 10-12. Andréane Cartier, merci beaucoup. 7h. 7h. 7h. Qu'est-ce que j'ai dit? 18h. J'ai dit 18h, je m'excuse. 17h. C'est clair, ça? 7h. Yeah. Ah, 7h, Mathieu. Tu m'as écrit 18h sur le message Facebook Messenger. Je m'excuse. Mais sur l'affiche, c'est marqué 17h. Mais moi, j'étais sur le message sur Messenger. Mais je l'ai dit 17h. Oh, ouais, c'est correct. Pour qu'on sache pourquoi l'erreur avait été c'est faite. Andréane, c'est ta faute. C'est ma faute, j'en prends l'entière responsabilité. Non, 17h10-12. Merci, Andréane Cartier. Tu repasses quand tu veux avec n'importe quelle activité. C'est toujours bien le fun de t'avoir. Nous, ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça, mais on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, on remercie Xavier McLeish qui nous a parlé d'improvisation dans les coulisses de la huître. On remercie Alfalfa, le lutin, bien sûr. Évidemment. Sébastien Gartin va être de retour la semaine prochaine, si tout va bien. Pour sa collègue Butin Gartin, il n'était pas avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Tania. Merci à toi, Mathieu. Ça fait plaisir. Plus tard en journée, en fait, on va avoir plein de bonnes choses sur les ondes de C'est fou. Donc, en ce mercredi, on aura à 10h l'émission Compte à rebours avec des comptes traditionnels. À 11h, ce sera la rediffusion de Rock de Neurones. Ensuite, à 15h, je serai de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. On va parler de technologie, de choses geek. À 17h, Audiomatique avec de l'électronique. À 19h, Lob Trotter en rappel avec la musique du monde. Et à 20h, Radiosonic avec de la musique variée. J'ai oublié de dire que demain à l'émission, on avait à la chronique de la GEQTR avec Alex Marchand à 8h, ainsi qu'une grosse pointe à l'adresse à 8h30, notre chronique culinaire par excellence. Oh que oui! Voilà. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On se quitte avec une dernière pièce, on a le temps. Donc, on a envie d'entendre quelque chose de nouveau. On aime toujours entendre des nouvelles choses, donc pourquoi pas aller se brasser les fesses, le popotin, avec le groupe Home Shake et Every Single Thing. Bonne journée, Tania. Bye, bon café. Bye, les requins. À demain. Are you even paying attention to me right now? Every single thing that I shouldn't do. you.